Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous fait voir l'actualité autrement. La question de cette édition du jour, la démocratie engendre-t-elle la langue de bois nécessairement ? Franck Lepage, éducateur populaire. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Vous êtes éducateur populaire depuis plus de 10 ans dans une SCOP, une des 4 SCOP de France. Celle-ci s'appelle le Pavé. C'est une coopérative d'éducation populaire donc, et non pas populaire. Franck Lepage donne des conférences gesticulatoires et vous animez des stages, et c'est très très sérieux, de 3 heures ou d'une journée, des stages de désintoxication de la langue de bois. Et puis vous êtes aussi, dans ce livre, l'alter-gouvernement, une utopie. Et si vous étiez citoyen dans un alter-gouvernement, eh bien vous vous occuperiez, Franck Lepage, de la sous-direction des langages, ce qui tombe bien pour le thème de ce soir. On y reviendra. Franck Lepage, qui est à côté de vous, donc qui a créé ces ateliers, entre autres, de désintoxication de la langue de bois, vous vous dites, que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un licenciement collectif un plan de sauvegarde de l'emploi, la fragilisation, la flexi-sécurité? Voilà. Là, on est vraiment dans l'exemple type de la langue de bois. Et je crois même que vous allez faire une démonstration empirique, à l'instant, tout de suite, avec vos fiches. Mais, si vous voulez, il n'y a pas seulement... prolifération, il y a une stratégie. Derrière la langue de bois. Bien sûr, il y a des équipes qui travaillent. Je ne suis pas dans le secret des communications. Non mais là, vous êtes un peu théorie du complot, là. Oui, alors il y a 2 erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout, la deuxième, c'est d'en voir nulle part. Bon. Il faudra poser la question aux communicants de l'Elysée, mais enfin, quand les journalistes doivent parler de croissance négative et ne jamais citer le terme de récession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rigole? S'ils pensent à ça, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent que ça produit des effets? Et évidemment, ça produit des effets parce que la croissance négative, c'est magique. C'est toujours de la croissance. C'est juste qu'elle est négative. C'est formidable, d'accord? C'est pas une récession. Je veux dire, on pourrait passer les frappes chirurgicales, les dégâts collatéraux. J'ai rencontré dernièrement un monsieur, il vient de se faire décruter. Il ne s'est pas fait licencier, il ne s'est pas fait virer, il s'est fait décruter. Mais c'est complètement orwellien. La bonté, le contraire de la bonté, il n'y avait pas la méchanceté, il y avait la imbonté. Orwell raconte, on enlève mauvais, on garde bon et imbon. On est exactement dans cette manipulation de langage. Alors, effectivement, la question, c'est est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave? Alors, on ne tranchera pas en 28 minutes. Alors, je vous ai effectivement amené 16 mots qui ne veulent strictement rien dire. Allons-y. Mais qui ont l'air de dire quelque chose. Démonstration. C'est-à-dire, ça produit des effets de sens, et donc je vous propose ici peut-être qu'on organise un petit débat entre nous. Donc vous êtes d'accord, vous me faites confiance. Totalement. Ils sont battus et donc moi je souhaiterais dans le cadre de ce débat sur Arte revenir sur une notion qui, vous m'en donnerez quitus, me paraît essentielle. Et c'est la question du contrat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du développement. Pourquoi penser aujourd'hui les logiques de développement dans l'esprit d'un contrat? Mais pour une raison au fond assez simple, c'est que dans l'espace désormais incontournable du local, il nous faut inventer des partenariats qui soient avec les acteurs, des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient, je dirais, cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé qui relève le défi de la décentralisation en prenant en compte la question du lien social. La question du lien social, à l'heure de la mondialisation, excusez-moi de vous le dire, elle est bien mal en point. Mais elle est mal en point pourquoi ? Mais parce que la question du lien social, aujourd'hui, c'est dans la proximité qu'il faut la relever. Excusez-moi. Et dans la proximité, la question du lien social et de la mondialisation, c'est tout simplement la question interculturelle. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet. Bravo. 16 cartes battues de manière complètement aléatoire. Alors évidemment, alors si on devait débattre entre nous, je vous demanderais de me poser des questions. Donc François Rollin, vous voulez prendre 2 mots? Oui, volontiers. Et puis vous me bricolez une question avec ça. Enfin, vous faites une phrase, ça va le faire. Voilà. Hein, donc, Oui, bien sûr. Mais vous avez évoqué très rapidement le partenariat, mais dans le cadre de la mondialisation, vous ne l'avez pas resitué précisément. C'est la question centrale. c'est la question. Moi, je suis très heureux que vous m'ayez posé cette question, parce qu'effectivement, c'est la question centrale. Alors, j'ai bien une idée sur la réponse, mais je préférais que ce soit Christophe qui vous réponde. Alors, est-ce que vous voulez tirer 2 papiers pour faire une réponse à François Rollin? Christian, d'abord. Christian. Voilà, et après... Voilà. Donc, vous, cette fois-ci, c'est une réponse que vous faites. Il pose effectivement la question, qui est une question très complexe. Je ne le laisserai pas. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien retenu la... Ça n'a aucune importance, vous avez bien compris. Mais moi, ma véritable solution, ce serait un vrai contrat de participation. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et ben voilà. Voilà. Si vous voulez, démonstration. Ça s'appelle des effets de sens. Et ouais, en fait, implacable. Le problème, c'est que... Et après, ça va être sûrement à vous d'en dire vous de faites vous, mon mais... boulot, là. Vous êtes en train de faire mon boulot, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Et je dirais juste ça, c'est que cette langue, on ne l'utilise pas dans la vie courante. Vous êtes d'accord? Non. Quand vous invitez des amis, vous ne leur proposez pas de venir faire une séance de lien social. D'accord? Donc c'est une langue qui détermine nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, toute la folie du management, ok? Les collaborateurs, d'accord? Et puis évidemment la langue politique. Mais on pense toujours trop souvent que à celle-là. Je veux dire, la langue politique, c'est l'homme politique à la télé, etc. Mais je veux dire, dans le monde de l'entreprise, ce langage est en train de détruire jusqu'au métier. Et donc, est en train de détruire le syndicalisme. Vous vous rappelez du référent bondissant? Oui. Donc, l'entreprise, la vie politique, mais... L'éducation nationale, il n'y a plus d'échec scolaire. C'est fini, c'est interdit. Il y a de la réussite différée. Ben, c'est ça, c'est des oxymores sublimes. C'est intéressant que vous disiez bienveillance, parce qu'un des problèmes qu'on a politique aujourd'hui, c'est l'incapacité ou le refus de désigner des adversaires. Je veux dire... D'accord? Parce que dès que vous osez désigner un adversaire, immédiatement, vous dites, vous êtes négatif, vous n'êtes pas bienveillant, quelque chose qui, d'accord? Et ça, c'est un, enfin, il n'y a pas de politique sans désignation. Il n'y a pas de démocratie. Question. Sans désignation de l'opposant. Et Franck Lepage, vous animez, vous continuez à animer régulièrement vos ateliers de désintoxication. De pas seulement, en fait, on apprend à résister au management. Éducation à la démarche populaire. Qualité. Oui, on est. Ouais. Et ce qui est intéressant dans le bouquin de l'alter-gouvernement, là, où celui-ci. Il y a 18 personnes qui ont été sollicitées pour faire un projet de ministère, c'est que vous n'avez pas de langue de bois précisément. Vous savez, c'était pas la peine. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment vous avez là 18 projets de ministère dont les ministres actuels seraient quasiment incapables, enfin, n'oseraient jamais proposer des choses pareilles, quoi. Parce que là, on appelle un chat, quoi. Merci pour cette langue vraie, en 28 minutes à tous. Charline Vanhoenacker, vous avez quelques mots à dire à Marine Le Pen. Bah oui, Madame Le Pen, j'ai toujours eu la dent dure avec vous, c'est vrai. Mais qui là... s'en va du studio? Bah oui. Bonne journée, Madame Le Pen. Alors, je vais peut-être faire rentrer quelqu'un qui va faire Madame Le Pen, en fait. Voilà. Comme ça, je peux m'adresser à elle, parce que j'avais prévu ma chronique sur elle, même si c'est vrai qu'elle reste jamais. Donc, Madame Le Pen, j'ai toujours eu la dent dure avec vous, c'est vrai. Mais là, quand je vois que vous faites piquer vos thèmes de campagne par d'autres partis, je trouve ça scandaleux. Laurent Wauquiez, il vous pique toutes vos idées, mais en moins bien. Vous faites ubérisé. Dupont-Aignan, il essaye de vous faire passer pour quelqu'un de gauche, alors que le mec, carrément, il fait du plagiat. Et pourquoi vous faites piller votre programme par la droite, je vais vous le dire? Parce que vous êtes devenue trop fréquentable, Madame Le Pen, voilà. Vous êtes tellement intégrée au système politique que même Éric Ciotti peut vous faire de l'ombre. Il va falloir regarder la vidéo sur le site de France Inter. Nous avons un faux Marine Le Pen, j'ai bien dit un faux. Si vous continuez comme ça dans 3 mois, vous faites la couve des Arocs, Madame, il faut réagir. La preuve, cette semaine, il y a même un député, la France Insoumise, qui s'est rallié à vous. Si vous faites pas gaffe, vous allez vous retrouver à la fête de l'humain. Même moi, j'ai envie de dire stop. S'il faut trouver une solution, je vous aide. Déjà, primo, arrêtez de répondre aux questions de Nicolas Demorand. Regardez Mélenchon, il vient plus, bah, résultat, on le respecte. Voilà. Après, il faut vous donner les moyens de réussir. Les futurs assistants parlementaires à Strasbourg, vous les faites bosser pour le parti sans rien dire à personne. Je sais que c'est pas votre truc, mais là, on n'a plus le choix, Madame Le Pen. Alors, dans les meetings, il faut vous lâcher. Bien sûr que le pacte de Marrakech va ouvrir les portes de la France à l'immigration sauvage. Mais il faut le dire, ça! Quoi? Non, c'est pas vrai? Ok, mais on s'en fout. Ça fait peur aux gens, donc après, ils votent pour vous. Ensuite, je sais bien que la loi, c'est la loi, mais si jamais un jour vous êtes convoqué chez le juge d'instruction, n'y allez pas. En plus, les juges, c'est une bande de gauchistes, c'est bien connu. Alors, pour votre tête de liste, encore une fois, vous avez voulu être trop gentil. Jordan Bardella, il fait tellement genre idéal, il peut tout dire, ça passe. Zemmour, ça aurait eu de la gueule, voilà. Bardella, il est même pas misogyne, le manque d'autorité, ça vous perdra, Madame Le Pen. Regardez Philippot, il se barre en vous insultant, il grimpe sur le toit du centre des impôts. Marine, vous êtes avocate, je sais. Vous êtes tatillonne sur le droit. Mais dites-le que le traité d'Aix-la-Chapelle donne notre siège de l'ONU à l'Allemagne. Ça n'a aucun fondement juridique. Mais vous croyez que les électeurs, ils vérifient les traités? Elle est passée où, la marine de 2017? Oh, à l'époque, on avait des tracts sur les migrants qui gagnent plus qu'un retraité. Aujourd'hui, plus rien. Franchement, je me fais du souci pour vous, Madame Le Pen. Vous êtes merci. Belle. Belle. Merci, Charline Vanhoenacker. Et donc, passez voir la vidéo sur le site de France Inter. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia. Un coup sourdine, de sous-combine, et ta vie ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, mais la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, ta cabaret ce qui t'embête avec des X, avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, à Coca-Fix, à Coca-Fix. Président, Madame la Ministre, chers collègues, ce matin, Bruno Le Maire nous a appris une grande nouvelle à la hauteur du débat. Il paie aussi son plein. Veut-il une médaille pour cet exploit ? Monsieur Bruno Le Maire fait partie des Français les mieux payés du pays, avec plus de 9 444 euros bruts mensuels. Je le rappelle, la moitié de nos concitoyens ont gagné, selon les dernières statistiques de l'INSEE, 1 772 euros nets par mois. Eux ne profitent pas, comme sa collègue Muriel Pénicaud, de la fin de l'impôt sur la fortune. La communication de ce matin était une honte. La colère de nos compatriotes s'explique par un deux poids, deux mesures. Il y a l'écologie punitive pour les pauvres et la liberté de détruire et de polluer pour les riches. Votre budget en est d'ailleurs la preuve flagrante. Au 1er janvier 2019, les Français verront leur diesel augmenter de 6,5 centimes et l'essence de 2,9 centimes. Cela va peser sur le pouvoir d'achat des ménages en situation de précarité énergétique, isolés ou habitants des zones mal desservies par les transports en commun. En l'espace d'un an, les tarifs des carburants ont flambé 10 à 12 euros en plus pour un plein de 50 litres. Vous savez très bien que la hausse du prix du carburant est due pour 60% aux taxes françaises, pas au marché mondial comme le voudrait votre enfumage. Qu'on nous comprenne bien, pour nous, le problème n'est pas la fiscalité écologique. Le problème, c'est que vous l'inscrivez dans votre méthode habituelle. Ce sont toujours les mêmes qui paient. De la même façon que vous n'allez pas chercher les 80 milliards de fraude fiscale, vous laissez tranquille Total, le kérosène et les banques qui investissent dans les énergies fossiles. Vous culpabilisez les gens pour protéger vos amis. Arrêtez donc de faire croire que c'est pour l'écologie que vous entamez une nouvelle fois le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Quand vous le dites, vous mentez. En 2019, seuls 19% des recettes de la TICPE sera consacrée à la transition énergétique, contre 21% en 2018. Avec 37,7 milliards de recettes attendues, vous entendez augmenter les crédits du ministère de l'écologie de seulement 0,22%. Vous vous glorifiez d'une hausse globale de 1 milliard d'euros en faveur de la transition écologique. Quand on connaît le montant total des recettes, cela est insignifiant et surtout insuffisant. Sans parler du démantèlement des opérateurs publics de l'État nécessaires à la transition écologique. Emmanuel Macron déclarait récemment qu'il préfère la taxation du carburant à celle du travail. Comme si ce n'était pas taxer le travail que taxer les carburants dont beaucoup de Français ont besoin pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a souvent plus qu'une rue à traverser pour y aller, quoi qu'il en pense depuis l'Élysée. Une idée pour Monsieur Macron, il faut taxer le capital. La hausse du carburant en 2019, c'est presque 4 milliards sur le dos des Français. Exactement ce que l'on aurait pu récupérer si l'on avait supprimé les niches fiscales de vos amis, les riches industriels. Rappelons les chiffres. 3 milliards de cadeaux fiscaux offerts au kérosène aérien et 1,1 milliard au transport routier. Vous n'êtes que des tartuffes de l'écologie. Quand il s'agit de toucher ceux qui polluent, il n'y a plus personne. En même temps, vous ouvrez à la concurrence tous les secteurs clés que nous revendiquons comme biens communs, nécessaires à la transition écologique, notamment dans le domaine du transport, et je pense bien évidemment à la SNCF. L'ouverture à la concurrence a toujours été catastrophique dans ce secteur. Rappelez-vous l'ouverture du fret à la concurrence en 2006. Les tonnes transportées par kilomètre ont été divisées par 2 en 4 ans. L'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé de 3% alors qu'elles devaient baisser de 5% pour suivre l'accord de Paris. Voici le résultat concret de vos manuels d'économie archaïques désarticulés du plus grand enjeu de notre époque, l'enjeu écologique. Mais l'incohérence de votre politique en matière de transport ne s'arrête pas là. Parlons maintenant des ouvrages d'art que vous laisserez en piteux état alors que les sociétés d'autoroutes se gavent. On sait déjà que sur les 12 000 ponts non concédés que compte le réseau, 4 000 nécessitent des réparations. Une première liste partielle des réparations envisagées a été rendue publique fin septembre. Elle ne concerne que 164 ouvrages. Où est l'État ? Où sont les concessionnaires ? Quand il s'agit de financer en partenariat public-privé des grands chantiers inutiles comme le grand contournement autoroutier de Strasbourg, il y a du monde pourtant. Un rapport de 2016 note une hausse de 25% des bénéfices des entreprises autoroutières et des dividendes pour les actionnaires en hausse de 41%. Par contre, quand il s'agit d'entretenir nos routes, les sociétés privées en charge des autoroutes sont bien avares. En outre, les fonds adressés aux rails sont réservés aux lignes à grande vitesse, alors que vous fermez simultanément les petites gares. Vous sacrifiez les populations des campagnes au nom de l'attractivité des grandes villes avant de taxer leur essence pour les punir d'habiter là où vous les avez privés de transports en commun. Mais la concurrence n'est pas tout. Vous privatisez aussi le patrimoine ferroviaire. La gare du Nord à Paris et une partie de ses bénéfices sont confiés au groupe Auchan. Faut-il être une famille de fraudeurs fiscaux patentés dans ce pays pour recevoir quoi que ce soit de l'État ? Faites payer ceux qui doivent payer plutôt que d'aller faire les poches à nos concitoyens. Je vous remercie. Thank you. À l'Élysée, à Matignon, c'est panique à bord. Après avoir tenté de calmer la grogne des policiers par une prime de 300 euros, le gouvernement a finalement accepté de revoir sa copie. Hier soir, on apprenait que les syndicats avaient obtenu une augmentation mensuelle moyenne de 120 euros pour les gardiens de la paix et de 120 à 150 euros pour les échelons les plus élevés. Enfin, les heures supplémentaires en retard, 3 millions, devraient être payées. Au palmarès de la contestation, la tunique bleue s'en sort mieux que le gilet jaune. Pas question pour le pouvoir de perdre les forces de l'ordre, le dernier rempart entre l'Élysée et les manifestants. Le président et le gouvernement naviguent à vue, effets d'annonce et rétropédalage se multiplient, brouillant la communication. Comme aimait à le répéter la maire de Lille, Martine Aubry, « Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le loup, il se cache derrière ça. » Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. 5 millions de Français doivent a priori bénéficier, en 2019, d'une augmentation de 100 euros de la prime d'activité. Eh bien, cet engagement ne sera pas tenu. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, nous en fait la démonstration. Aujourd'hui, on nous parle de prime d'activité. J'aimerais quand même vous alerter sur le fait que cette nuit, nous avons voté des crédits pour la prime d'activité qui ne permettra pas plus de 44 euros par foyer fiscaux, puisqu'on nous dit qu'il y a 5 millions qui en profiteront et non pas 90 euros. Voilà, c'est ce qui a été voté cette nuit et j'aimerais bien, et depuis le gouvernement ne nous répond pas là-dessus. Pourquoi certains toucheront-ils plus et d'autres moins? C'est en commission des finances hier soir que le député Coquerel a fini par obtenir une réponse. Je vous propose de regarder les moments les plus éclairants de cet échange entre députés de la majorité et de l'opposition. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 1,2 million de personnes qui vont pouvoir toucher une prime d'activité ou la prime d'activité. Cette prime d'activité, elle sera plus ou moins bonifiée. Le pic, c'est 90 euros. Et puis sur les points de sortie, on est plutôt à 25 ou 50 euros. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a 1,2 million de personnes de plus qui vont pouvoir, quand ils vont remplir un dossier à la CAF, avoir à la sortie du processus une prime d'activité. Le montant, cette prime, va être bonifié pour certains de 90 euros, pour d'autres de 50 ou de 25. Enfin bref, il y a une courbe. On essaie juste de vous expliquer depuis 48 heures qu'entre ce qu'a annoncé le président de la République et ce qui va se passer en vrai, c'est pas la même chose. On dit pas que ce que vous faites, c'est mal. On vous dit juste que ce qu'il a dit aux Français droit dans les yeux, c'est pas ce qui va se passer. Et ça, les Français, ils peuvent pas comprendre. Je reprends la phrase du président de la République. Je reprends la phrase. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Celui qui est au SMIC... Oh là, mais non, mais sans que ça coûte l'entreprise. Celui qui est à la télé, qui regarde, qui a un salaire au SMIC, il dit, je vais toucher 100 euros. Voilà. Et on lui dit, ah ben non, pas tout à fait. C'est pas... Mais ça, il peut pas comprendre. Voilà. Quand le président de la République, il dit ça... Ils pensent que tous ceux qui sont au SMIC, ils vont toucher 100 euros. Et après, on leur dit, non, il n'y en a que la moitié, parce que tu comprends. Mais fallait le dire, alors. Les gens, franchement, ils comprennent pas. Parce que vous voyez, entre ceux qui croient que tout le monde va avoir 100 euros dès qu'on gagne le SMIC, mais on n'a pas dit que c'était pas le SMIC, c'était entre 0,5 et 1,5 SMIC, vous voyez. Il n'y a pas de pédagogie. Donc, par rapport à tout ce que vous avez annoncé depuis des semaines, et je suis content, enfin, qu'ici, ça se dise, beaucoup... ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas une prime d'activité à hauteur de 90, 60 euros, parce que ça peut varier, qui toucheront les 5 millions de foyers fiscaux. Et ça va être beaucoup plus faible pour la plupart des foyers fiscaux. Oui. Bah voilà, bah ça, au moins, ça doit être dit. Le grand débat national annoncé le 10 décembre est également en plein cafouillage. Organisé par la Commission nationale du débat public, il doit porter sur la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État, la démocratie et la citoyenneté. On écoute ce qu'en pensent les parlementaires. Il y a le débat public qui arrive. Nos concitoyens, ils veulent être associés aux décisions. Ils veulent cette démocratie participative, imaginée par Mme Royal à une époque. Ils veulent évidemment donner leur avis. Alors, très bien, la Commission de débat public a été saisie. Il y a quatre thématiques. Vous avez compris, ce débat va s'organiser dans les territoires, mais il ne faut pas que ce soit un endroit où on parle, et puis rien n'en sort. Il faut que le gouvernement s'engage à reprendre les conclusions. Et là-dessus, je n'ai pas encore vu grand-chose. Et ce n'est pas en 2 mois, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'ailleurs, vous voyez, je ne veux pas être mauvaise foi, mais il devait démarrer quand ce débat? Le 15 décembre, nous sommes le 18. Vous avez vu le premier débat avoir lieu? Non. Non, je n'y vois pas plus clair, et pour tout vous dire, je crois que c'est quand même hallucinant de voir que la demande des gens... c'est qu'ils soient acteurs de la démocratie, et que la réponse du gouvernement, c'est de leur dire « nous vous convoquons à une réunion qui est pilotée depuis l'Élysée ». À un moment donné, il va quand même falloir adapter la Ve République aussi aux demandes de la population. Et la liste des couacs ne s'arrête pas là. Mardi, le gouvernement annonce en début de soirée l'abandon de trois mesures prises le 14 novembre à la veille de l'acte 1 des Gilets jaunes. Il s'agit du relèvement du barème kilométrique, du doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs et de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires dans le budget 2019. Tollé des députés de La République En Marche. Comment retisser un lien de confiance si le gouvernement revient sur ses annonces? Quelques heures plus tard, ce dernier annule donc l'annulation des mesures. Bref, il les rétablit. Concernant les retraités, ça bug également. Il était prévu que ceux qui touchent moins de 2000 euros mensuels ou 3000 euros pour les couples soient exonérés de la hausse de la CSG. Mais voilà, techniquement, cela ne sera possible qu'à partir du mois de juillet. Les retraités vont donc passer à la caisse dans l'intervalle et l'État leur reversera le trop perçu au début des vacances. Cette valse d'hésitation, d'annonce, de revirement n'abuse personne. Hors de la majorité présidentielle, tous les députés parient sur la reprise du mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement croit à tort que tout ça est fini. Et comment dire, après une manipulation qui n'a pas marché de l'opinion, voudrait circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien je pense qu'il y aura beaucoup de Gilets jaunes qui continueront leur action à leur façon. Et rendez-vous à la rentrée, parce qu'il y a des choix majeurs pour le pays qui n'ont pas été faits par le gouvernement. Forcément, pour reprendre une vieille expression, il y a la trêve des confiseurs. Ça ne veut pas dire que pour autant il y a la trêve de la tension et la trêve de la déception. Et moi je pense malheureusement que à la rentrée de janvier, un certain nombre de mouvements vont reprendre. Ne pas sous-estimer un soutien encore important dans l'opinion publique. Et puis je crains très honnêtement qu'il y ait un double effet qui se coule, pour le dire un peu en souriant, mais c'est très sérieux, avec le prélèvement à la source qui va avoir un impact psychologique et aussi financier important dans nombre de nos familles de France. Je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte que les gilets jaunes, là il y a une pause, mais que si tout ça s'avère une arnaque, les gens vont être de nouveau sur les ronds-points dans pas longtemps. Le pays est en crise, le pays a plus de dettes, plus de déficits, plus de chômage, plus d'impôts, une crise sociale, de la violence dans la rue. Voilà, triste bilan de cette majorité qui voulait révolutionner notre pays et qui, quelque part, a soulevé une forme de révolution. Une chose est certaine, la saison 2 des Gilets jaunes est déjà en chantier et elle risque d'être plus spectaculaire que la saison 1. Le 26 mai, pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 2017, vous pouvez faire entendre votre voix. Depuis 2 ans, le président multiplie les cadeaux aux plus riches et il accroît les inégalités. Il déchire le code du travail, réduit les droits des salariés. Il laisse les entreprises se faire délocaliser au sein même de l'Union européenne. Il refuse d'augmenter le SMIC. Il ferme les gares à la demande de l'Union européenne et ruine nos services publics. Nous avons 12 ans pour agir face à la catastrophe climatique. Devant cette menace, le président ne fait rien. Pourtant, des alternatives existent. Il faut développer les énergies renouvelables, privilégier l'agriculture paysanne contre les pesticides, protéger la nature et les animaux. Mettre en place la règle verte. Ne pas prendre plus à la terre que qu'elle peut reconstituer. C'est tout notre système de production et de consommation qu'il faut changer. Et pour financer cette transition, il faut en finir avec l'évasion fiscale et organiser un juste partage des richesses. Voilà ce qui fait la colonne vertébrale de notre projet pour ces élections européennes. Ce programme, nous ne pourrons le mettre en œuvre sans arrêter les coupes budgétaires, le libre-échange généralisé et la compétition de chacun contre tous que les traités européens actuels organisent. Il faut tout changer. Pour cela, nous nous sommes regroupés entre 6 pays au sein d'une nouvelle force, maintenant le peuple. Le monde peut être beau, la vie peut être douce. Le 26 mai, votons pour la liste de la France insoumise avec Manon Aubry. Le projet de loi sur les croyances et les religions qui est actuellement en négociation au Parlement est une menace pour les catholiques, mais également pour toutes les autres religions au Vietnam. Cette loi, en ne reconnaissant pas l'existence légale d'une organisation religieuse, est en contradiction directe avec la liberté de croyance inscrite dans la constitution vietnamienne. Les autorités ne respectent donc pas la loi fondamentale et je prie M. Mélenchon, qui est un ami de tous les communistes, de passer un coup de fil au Vietnam pour leur dire qu'ils ne respectent pas la constitution. C'est très grave, M. Mélenchon. Je trouverai toujours d'accord avec vous, mon cher collègue, pour défendre la liberté et spécialement la liberté de conscience, incluant bien évidemment la liberté du culte, puisque cette idée est née dans ma patrie et s'appelle la laïcité. Maintenant, monsieur, à mon tour de vous demander si vous tiendriez les mêmes propos à propos de la liberté du culte au Qatar, en Arabie Saoudite, à Bahreïn et les autres pays dont on n'entend jamais parler ici, tandis qu'il suffit qu'un pays ait un seul ministre communiste ou de gauche pour qu'on entende parler pendant des heures de protestations de toutes sortes, des fois fondées, il faut bien l'admettre, et d'autres fois qui ne le sont pas du tout, sinon par des efforts de propagande. Merci mesdames, messieurs d'être ici avec nous. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette journée par leur travail. Je pense aux collaborateurs de nos élus, ainsi qu'aux responsables politiques qui ont entouré la préparation de la journée et qui sont dans la salle. Je connais au moins ceux du Portugal, de la France, et je suis sûr que d'autres sont là, les Espagnols. Ce sont eux et elles qui ont fait ce travail qui rend cette réunion possible aujourd'hui. Naturellement à mon ami Younous Omarji, qui a été, je crois, un agent actif de liaison entre nous tous. L'Europe est entrée dans une très grave crise. Une crise morale, parce que les valeurs dont elle s'est réclamée à grand bruit fort souvent se sont effondrées dans les votes d'extrême droite qui se sont fait remarquer dans toute l'Europe, effondrées dans le traitement indigne, inhumain et contraire à toutes les traditions de la civilisation humaine qui ont été réservées aux migrants, effondrées parce que, construite d'abord pour faire la paix, elle n'a plus qu'un projet aujourd'hui à proposer, l'Europe de la défense, c'est-à-dire l'Europe de la guerre, sans qu'on sache au juste contre qui, car les déclarations européennes ne vont pas jusqu'à nous le dire. Sur le plan économique, c'est un échec total pour les peuples, puisque le chômage est à haut niveau, et là où il n'est pas à haut niveau, c'est parce que les statistiques sont faussées par le fait qu'on considère que des jobs d'une heure ou des contrats de travail d'une semaine sont des contrats de travail. Si bien que c'est zéro sur toute la ligne, et que cet échec global a évidemment ouvert les vannes au pire des sentiments et aux politiques les plus violentes, s'exprimant de la façon la plus désastreuse. Et croyez que ça fait un drôle d'effet à un Français d'entendre le ministre hongrois, le ministre autrichien et le ministre allemand constituer avec un homme d'extrême droite italien ce qu'ils appellent eux-mêmes un axe. Parfois, l'histoire est bien cruelle. Dès lors, nous nous présentons comme une alternative à cet ordre nouveau qui est en train de se mettre en place en Europe. Une alternative telle que nous sommes là, 6 aujourd'hui, bientôt davantage. Une alternative sans compromission, sans arrangement, avec l'un quelconque des fondamentaux de la politique actuelle de l'Union européenne, et notamment sur les trois plus importantes questions. La première est la question sociale. Nous ne croyons pas, et nous répétons, que nous sommes en désaccord avec tout ce qui fait passer la question sociale après les performances économiques. Nous croyons que les performances économiques suivent les performances sociales dans une économie équilibrée. Par conséquent, notre opposition est totale au système économique dominant dont le gouvernement allemand de Mme Merkel est plus que jamais le verrou en Europe. Deuxièmement, nous sommes en rupture complète avec l'idéologie guerrière qui domine dorénavant l'Europe, et en particulier le thème de l'Europe de la défense, et en particulier le thème de l'alignement qui serait indispensable de l'Europe dans le cadre de l'organisation, en français on dit OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, je sais qu'on l'appelle autrement suivant les pays, et nous répétons notre ferme volonté de sortir d'une telle organisation. Et donc de l'état d'esprit que nous rencontrons trop souvent, qui se représente le monde comme le théâtre d'une compétition violente, permanente, entre tout le monde et tout le monde. Alors on nous propose des fois de construire l'Europe pour faire face aux États-Unis, d'autres fois pour faire face à la Chine. Il s'agit toujours de faire face à quelqu'un, jamais de coopérer, ni de se poser la question de savoir sur quelle base on pourrait coopérer. Est-ce que les peuples d'Europe et leurs nations ne devraient pas plutôt tirer la leçon de leur propre histoire? Qui, sinon les nations européennes, a envahi la terre entière en y massacrant tous ceux qu'ils trouvaient, colonisé l'Afrique, envahi les deux Amériques en chassant les populations autochtones, agressé la Chine dans le passé, et ainsi de suite? Le moment est venu pour la civilisation européenne d'aller au bout de sa propre histoire et de dire plus jamais ça, plus la guerre, plus la compétition, priorité à la coopération. Si nous réduisons les causes de guerre, alors nous toucherons au cœur même d'une des difficultés les plus actuelles, c'est-à-dire les vagues de migration que l'Europe est incapable de contrôler ou d'entourer. C'est la guerre qui fait partir les gens. La deuxième cause, c'est le libre-échange. Et j'ai dit tout à l'heure notre opposition absolue à cette orientation politique. C'est parce que l'Europe pressionne tous les pays d'Afrique pour leur imposer des partenariats économiques injustes et déséquilibrés que, par un effet de cause et d'effet, des populations de plus en plus considérables sont obligées de quitter leur pays d'origine. Pour notre part, en France, nous disons que nous avons la solution aux problèmes que soulèvent les vagues migratoires. Et elle tient en deux raisonnements. Un, faire que les gens n'aient plus envie de partir, car ils ne partent pas de bon cœur. Ils partent parce qu'ils y sont obligés, par des phénomènes économiques que nous déclenchons, nous les Européens, à travers les accords commerciaux injustes. La deuxième raison, ce sont les causes de dérèglement climatique dont l'humanité tout entière se trouve co-responsable quant à ses effets. Première cause, ne pas avoir envie de partir. Deuxième chose, quand les gens sont partis, alors il y a un devoir d'humanité qui est supérieur à tous les autres devoirs et toute autre considération, qui est de traiter les êtres humains d'une manière digne et responsable, en nous souvenant qu'ils sont nos semblables, pour reprendre la grande expression issue du courant des Lumières dans mon pays et dans quelques autres. Donc, en allant à la racine des problèmes, contre la guerre, contre l'OTAN, contre le libre-échange, nous dessinons un autre modèle pour la paix, pour la coopération et pour l'humanité. Je termine en vous disant que cette coalition va tout à l'heure travailler sur les campagnes que nous allons porter en commun. Ce seront des campagnes fermes sur les principes pour convaincre le grand nombre. Et nous dirons à tous ceux qui nous regardent, réfléchissez bien, vous êtes à l'heure des choix. Vous avez au milieu les libéraux qui vous disent ou bien vous êtes d'accord avec nous, ou bien vous n'avez pas d'autre choix que d'être des nationalistes, des xénophobes et des partisans du racisme. Et vous avez de l'autre côté l'extrême droite qui vous dit la solution, c'est l'épuration. L'épuration ethnique, partout. L'épuration religieuse. Nous sommes l'alternative dans cette tenaille terrible. l'alternative de coopération, l'alternative humaine. Et nous soumettons au vote notre propre existence. Nous disons à toutes les personnes qui sont d'opinion progressiste, humaniste, socialiste, communiste, ce que l'on voudra. Vous avez la possibilité, par un bulletin de vote, de montrer que ni vous avez peur du chantage des uns, ni de la violence des autres. Voilà en tout cas la campagne que nous allons essayer de construire. Je forme le vœu que dès le mois de septembre ou d'octobre prochain, notre coalition s'élargisse. Et je passe la parole au suivant, à la suivante, bien volontiers. Bonjour Gaspard Glanz. Bonjour. Tu es journaliste et fondateur du site Taranis News. Depuis le début du mouvement, tu couvres les manifestations des Gilets jaunes. Et ce week-end, tu as été interpellé. Tu as passé près de 48 heures en garde à vue. Alors la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va ? Oh, ça va mieux, là. Quand on sort de garde à vue, c'est comme si on sortait de coma, en fait, un peu. Genre, on sait pas du tout ce qui s'est passé pendant 48 heures, d'autant plus que dans mon cas, il s'est passé pas mal de trucs. Et il y avait quand même des gens qui souhaitaient mon anniversaire dehors, etc. J'ai juste eu le temps d'entendre, etc. Mais non, je me fais très bien, là. J'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de voir un peu ce qui était en train de se passer. J'ai pas encore eu le temps d'être tout assimilé, mais j'ai même pas eu le temps encore de sortir mon reportage de la manifestation. Mais je vais le faire ce soir. Mais non, c'est vraiment très impressionnant. La mobilisation est incroyable. Enfin, je tiens à remercier mes avocats, Raphaël Kem, Fainoa Pasquale, Boris Rosenthal, Vincent Filola, la coordination de soutien aux inculpés, tous les gens qui m'ont soutenu. Il y a énormément de gens qui se mettent à faire des dons. Enfin, je vais bien, mais je maîtrise. Enfin, je j'arrive pas encore à réaliser ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est ça, c'est sortir d'un coma, quoi. C'est à coup. Et en plus, entre temps, c'est pas comme si c'était rien passé, quoi. Et donc voilà, c'est intéressant. Mon statut a un peu changé, quoi. Voilà. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on va revenir sur ton interpellation avec les images qu'on a, nous, ici en plateau, et que tu les commentes avec nous. Ça te va ? Pas de problème. Alors là, Gaspard, on te voit face aux forces de l'ordre. Tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Alors, juste si vous pouvez faire pause. Alors, en fait, 30 ou 45 secondes avant ça, j'étais un peu à droite de l'image, là. J'étais derrière le dispositif, en fait. Ils sont restés là un petit moment. Et c'est la CSI 75. Et en fait, le commissaire passe, donc c'est le chef de la compagnie, quoi. Chef de toutes les unités qu'il y a là. Et il passe, il me fait « Ah, bonjour Gaspard, ça va ?» Enfin, et je rigole avec mes collègues photographes qui sont morts de rire de la situation, quoi. On est quand même dans... Enfin, tout le monde se tire dessus, là. C'est assez chaud, quoi. On est au milieu du lacrymo, etc. Et je dis en rigolant à mes collègues, ils pourraient me vouvoyer quand même. Enfin, et puis bon, l'ambiance est assez cool, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je vois qu'ils me connaissent, etc. Voilà, bon. Et puis après, je me déplace, donc je suis leur mouvement, là, qui va vers la statue, enfin, qui longe la rue. Et en fait, même pas, je sais pas, 15, 20, 30 secondes après avoir parlé avec le commissaire, je me prends une grenade, mais à mes pieds. Et elle a rebondi sur mon genou. Et en fait, elle a qu'une seconde et demie de mèche, cette grenade de d'encerclement. C'est celle qui explose le plus rapidement de tout l'arsenal de la police. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut exploser qu'à 50 mètres maximum de eux. C'est qu'elle a explosé largement avant, même s'il l'a balancée de toutes ses forces, quoi. Et d'ailleurs, quand il la jette en l'air, elle pète bien avant d'avoir atteint le sol. Donc, si elle a rebondi sur mon genou, c'est qu'elle n'est pas été lancée de très loin et qu'elle était a priori pour moi. Ensuite, autour de moi, on n'est que des journalistes. Il y a plusieurs plans qui montrent la situation. Il n'y a que des journalistes. Il n'y a pas de manifestants. Soit la grenade elle est pour le journaliste, ce qui ne va pas de toute façon, soit elle est pour moi, ce qui ne va pas non plus, quoi. Donc il y a quand même un problème dans cette histoire. Ensuite là, du coup, comme il venait de me dire bonjour en parlant avec mon prénom, je me suis un peu emporté en disant mais il est quand même gonflé, quoi. Enfin, juste après ça, c'est tous les mecs ils m'ont vu parler avec le commissaire, quoi. Donc je le cherchais pour lui demander genre c'est quoi ce bordel, regardez mon pantalon, quoi, j'ai pris feu, quoi, genre c'est pas normal. Et donc vous pouvez mettre la suite. Ouais. Voilà, et là on le voit, tu vas te faire repousser par ce policier et tu lui fais un doigt d'honneur. Et puis tout de suite après, t'es interpellé. Alors comment tu l'as vécu sur le moment ? Ben, en fait, donc celui qui me repousse, en fait, c'est celui qui a le cougar, là, le gros lanceur de grenades lacrymogènes. Et quand j'appelle le commissaire, il me repousse, je suis à moitié tombé par terre, etc. Et ça m'a vraiment énervé parce que, enfin, à ce moment-là, c'était calme dans ce coin-là, il se passait rien, enfin, il n'y avait pas de raison d'être excité non plus, machin. Et je voulais voir le commissaire. En plus, il m'avait parfaitement vu lui parler juste avant. En plus, c'est les mecs de la CSI 75, ils nous voient tout le temps, ils savent très bien qui on est. Et il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment pas aussi. Donc, je pense qu'il doit faire partie de l'autre catégorie, quoi. Et il m'a poussé comme ça, etc. Et ouais, ça m'a énervé parce qu'à un moment, je venais de me prendre une grenade. Je voulais juste voir le commissaire. Je veux dire, s'il y avait rien d'illégitime dans ma demande, machin. Et je l'avais pas agressé, je l'avais pas touché, je lui avais pas gueulé dessus, je lui parlais même pas à lui. Enfin, je demandais dans le vent où était le commissaire, quoi. Enfin, et du coup, ouais, le doigt d'honneur, il est sorti tout seul, quoi. Enfin, c'était une réaction genre ça va, calme-toi, quoi. Après, franchement, si je rigolais avec les gars en garde à vue, mais c'était ça, quoi. Si on devait mettre en garde à vue tous les gens qui font des doigts d'honneur à la police en France, il va falloir en construire des gars. Des cellules de garde à vue, parce que rien que dans la manifestation, des policiers qui font des doigts d'honneur aux manifestants, on en a trouvé plein. Hein. Donc à un moment, c'est quand même drôle que cette histoire, enfin, le doigt d'honneur devienne un symbole de tout ça. Enfin, ça devient ridicule, mais risible en fait, enfin, cette histoire. Tu as déjà été interpellé par le passé. En quoi cette fois c'était différent ? Bah, cette fois, je me suis bien fait éclater. À un moment, bah, je le montrerai dans la vidéo de mon interpellation. Le flic qui m'a arrêté, clairement, il m'aime pas. Il m'a plaqué au sol. Il m'a écrasé son genou avec ses protections sur le casque. Au point, alors, j'ai toujours pas compris comment ça s'est passé, mais mon casque, c'est un casque de snowboard. Fermé, hein, il était pas ouvert. Il s'est retourné. Donc c'est pour ça que la GoPro se retrouve face à ma tête sur les photos en fait. En gros, j'ai le casque ici. J'ai réessayé. Je sais pas comment le casque a fait pour faire un demi-tour. C'est impossible. C'est fait pour les chutes sur les rochers quoi. Enfin, et donc c'est pour donner l'idée de la force du truc quoi. Donc m'en suis plutôt bien sorti parce que j'étais couvert de protection. Donc à cause de la manif. Mais pour donner un exemple, bon là, heureusement ça va. Tu montrais tout à l'heure ta marque d'interpellation aussi. Mais j'avais une protection genre c'est pour le tibia quoi au niveau du truc. Le coup de matraque télé. Il m'a laissé un bleu comme ça à travers une protection pour les tibias qui sont faits pour des coups de pied au foot quoi. Ils s'y sont pas allés de main morte quoi. J'aurais pas eu mon casque, mes lunettes ou machin, j'avais plus de tête quoi. Et heureusement ça s'est calmé assez vite parce que le commissaire justement a capté tout de suite ce qui se passait et il est venu calmer ses troupes et il a éloigné ceux qui étaient un peu les plus brutaux quoi. Mais j'étais en train de me faire latter. Mais vous allez voir sur les images de l'interpellation. C'est vénère quoi, et on sent qu'ils ont la rage quoi. Genre des journalistes, du d'honneur, ils l'ont pas supporté, ils l'ont tous pris pour eux. Et voilà, c'est mais d'une violence. Enfin, si à un moment, j'ai rarement vu des policiers interpeller des gens comme ça pour un doigt d'honneur. Enfin, dans toute ma carrière. Enfin, je sais pas. Je les ai vraiment beaucoup vexés quoi. C'est, voilà. Alors ton audience, elle a été renvoyée au 18 octobre. Mmh. En attendant, tu as interdiction de paraître à Paris tous les samedis, donc tu ne pourras plus couvrir le 1er mai, donc tu ne pourras plus couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Comment tu vas faire pour exercer ton métier du coup ? Le risque est simple. Si je me rends, alors que je suis interdit de contrôle, sous contrôle judiciaire d'interdiction de territoire, dans la manif, je suis en prison. Enfin, c'est mandat de dépôt. Potentiellement jusqu'à mon procès le 18 octobre. Donc 6 mois de prison, je suis pas très chaud quoi. En plus, c'est bien calculé parce que le temps maximum que passe quelqu'un en prison, s'il a rompu son contrôle judiciaire, c'est 6 mois. Et mon procès est dans 6 mois. Donc en fait, c'est vraiment, ils ont tout fait pour que si je vais à la manif du 1er mai, potentiellement, je vais 6 mois en prison, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et du coup, mes avocats ont attaqué le truc, et il se trouve que la date d'audience est lundi. C'est plus vite que prévu. On s'attendait à ce que ce soit après le 1er mai. Donc on s'attend à ce que mes avocats arrivent à casser cette interdiction de territoire. De toute façon, elle est basée sur rien. Enfin, je veux dire, outrager un policier, même avec un doigt d'honneur, je suis pas certain que ça justifie un contrôle judiciaire, une interdiction d'exercer son métier à un journaliste. Enfin, voilà. Donc mes avocats vont attaquer ça lundi. Et je pense que voilà, samedi j'irai pas. De toute façon, j'ai pas envie de leur donner cette occasion de me foutre. Ils attendent que ça en fait. Laurent Nunez l'a dit sur RMC Info ou BFM, je sais plus. Ils attendent que ça, que j'aille à la manif pour me foutre en détention provisoire et me mettre au vert, être tranquille. Je vais pas leur laisser cette occasion. Je vais laisser à mes avocats toutes les armes à leur disposition pour bien pouvoir attaquer sans que j'ai fait de conneries, quoi. Et une fois qu'ils m'auront libéré de cet horrible contrôle judiciaire indécent, quoi, j'irai à la manif du 1er mai faire mon travail et on va suivre cette journée, quoi. Tu dis ils attendent que ça. Tu penses que tu les déranges vraiment? Laurent Nunez avait l'air particulièrement énervé dans son interview. Je mesure pas trop exactement, parce que 48 heures de retard dans l'actualité, on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est énorme en fait. Là, en plus, enfin, c'est un fait particulier dont tout le monde parle, donc tout le monde a des trucs à dire et tout. Enfin, c'est énorme. Mais j'ai pas eu le temps en une nuit de rattraper les 48 heures de retard de ma garde à vue, quoi. Donc, j'ai même moi probablement moins conscience de ce qui est en train de se passer que vous tous ici qui avez suivi le truc heure par heure, quoi. Mais c'est tellement contre-productif. Enfin, ils avaient déjà fait cette erreur avec moi, c'est pour ça que je comprends pas en fait, et c'est pour ça que je suis un peu dans le doute sur certains trucs. C'est que à Calais, ils m'avaient mis sous contrôle judiciaire, ils m'avaient interdit de territoire, etc. C'était totalement contre-productif, ça m'avait donné de la notoriété, ça m'avait donné de la légitimité, ça m'avait donné d'une certaine manière un soutien de la profession que j'aurais pas eu auparavant avec le seul statut de pigiste. Et ils viennent de refaire la même erreur au carré, quoi. Alors ok, toute la tête de la préfecture de police de Paris a été décapitée après l'affaire Benalla, donc on va dire qu'ils sont nouveaux et machin, mais quand même, quoi, faire deux fois la même erreur, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, à un moment, ils ont pas compris que je suis comme un champignon dans Mario en fait. Plus tu le tapes dessus avec le marteau, plus il grandit, il grossit en fait. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et je le dis, et vous verrez dans la vidéo de l'arrestation, je le dis au commissaire. Enfin, à un moment, mais vous êtes fou, libérez-moi. Enfin, genre, c'est bon, j'ai fait un doigt d'honneur. Vous n'allez pas m'emmener au commissariat pour ça. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon travail pour ça. Vous n'allez pas me mettre en garde à vue pour ça. Je veux dire, vous allez être ridicule et ça va buzzer. Je le préviens au moment de mon arrestation. Ça, c'était sûr. Au moment où je me fais arrêter, il y a un 360 degrés de photographes qui se forment autour de moi, ils sont obligés de se mettre en protection, machin. Enfin, c'est presque plus la manif le sujet, c'est mon arrestation, quoi. Ça sentait déjà pourri pour eux. Enfin, il fallait arrêter les frais tout de suite. Il fallait, ok, c'est bon. Je me suis fait pousser, j'ai eu un doigt d'honneur. Moi, j'ai pas été violent. J'ai outragé, mais j'ai pas été violent. Lui, il m'a poussé. Voilà. Et puis, accessoirement, je m'étais pris 20 grammes d'explosifs dans la jambe aussi, quoi. À un moment, la proportion, voilà, quoi. Alors après, j'ai lu dans le procès-verbal que les policiers, moi, pour gonfler le truc, ils m'ont accusé de les avoir traités d'enculés, de m'être débattu au moment de mon arrestation, etc. Mais c'est ridicule. Déjà, le nombre d'images qu'il y a, plus celles qui n'ont pas encore été publiées, mais qui vont sortir, ça va leur faire mal d'avoir raconté autant de conneries, quoi. Alors, on t'a souvent reproché, à travers ton journalisme, d'être proche de mouvements d'extrême gauche. Tu réponds quoi à ça? Que je suis pas militant, je suis plus militant depuis l'Union nationale lycéenne. J'avais 17 ou 18 ans. Je viens d'en avoir 32. J'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose, quoi. Genre, mon métier depuis 10 ans, exactement depuis ce mois d'avril, c'est journaliste à 100%. C'est mon métier. J'ai rien fait d'autre. Et je mis quiconque au défi de trouver qu'est-ce que j'ai fait de militant sur ces 10 dernières années, quoi. Rien de rien de rien. Parce que justement, je sais qu'on m'attend là-dessus. On me dit ça depuis que j'ai commencé à faire le journaliste. C'est vous êtes pas journaliste, vous êtes militant, vous êtes pas journaliste, vous êtes militant, etc. Et mon boulot tout le temps, c'est d'essayer de montrer que non, je fais un travail de journaliste. Non, je respecte les règles. Et c'est pour ça que je vais pas cramer mon contrôle judiciaire samedi et lundi. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait. Mais mes avocats, ils ont réussi à me raisonner. D'ailleurs, ils sont très forts. Franchement, c'est très bon. Parce que, à la base, j'étais prêt à aller en taule, quoi. J'étais dit, à un moment, quand j'ai vu la déclaration de Laurent Dunez, j'étais en flamme, quoi. J'étais là, je sors. Tu veux jouer au bluff, quoi. Genre, à un moment, t'es capable de mettre un journaliste en France en prison pour un fuck. Ok, allons-y, quoi. Jouons à ça, quoi. Genre, mets-moi à Fleury Mérogis pour un doigt d'honneur à un policier, quoi. Et puis, vu ce que ça fait en 48 heures de garde à vue, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire si on me met en prison. Et j'étais à deux doigts d'y aller, quoi. Mais en fait, non, je préfère que mes avocats aient les armes pour le faire proprement, quoi. Histoire que ça soit rapide et que ça soit pour toujours, quoi. Et que cette fois-ci, ils comprennent, quoi. Que mon exemple serve pour tous les autres photographes et tous les autres journalistes. Foutez-nous la paix, arrêtez de nous tirer dessus. Sur le comptage de blessés, on représente 10% des blessés dans les manifestations. Il n'y a pas 10% de journalistes en manifestation, on doit être 1 ou 2% sur le total. Des photographes et plus caméramans à Paris, on est 20 ou 50. Je sais pas combien il y a de manifestants, mais 100 fois plus, 1000 fois plus. Donc 100 000 fois plus parfois. À un moment, c'est pas normal qu'on représente 10% des blessés, ça veut bien dire qu'on est visé, quoi. Et pourtant, on est surprotégé en plus. Nous, on a des casques, nous, on a des protections que n'ont pas les manifestants, parce que soit ils se les font chourer au checkpoint, soit ils en ont pas tout court, soit ils ont pas assez de thunes pour se payer tout l'équipement d'hockeyeur qu'il faut maintenant pour aller en manifestation sans se faire éclater. La situation est vraiment devenu compliqué pour la presse. Alors, on t'a notamment aussi reproché de refuser de faire ta demande de carte de presse. Mm-hmm. Ça, tu réponds quoi aussi à ça? Alors, ma carte de presse, j'y ai droit depuis plusieurs années, selon tous les critères de demande de carte de presse. Et je la demande pas pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est que y a une injustice énorme dans la délivrance de cette carte de presse. Beaucoup de salariés ici doivent le savoir. 80% des images qui sont issues des manifestations sont issues de journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Le photographe de Libération qui me prend en photo et qui bosse très souvent pour Libération, il n'a pas de carte de presse. Quand à ma sortie de garde à vue, il y avait LCI, Europe 1, etc. Je me suis amusé à demander aux journalistes qui avaient la carte de presse et qui ne l'avaient pas. C'était la moitié qui l'avait et la moitié qui ne l'avait pas. Parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas obligatoire aussi. Hein. Mais elle n'est pas obligatoire. Elle ne définit pas la profession de journaliste. Ça permet un abattement fiscal. Ça permet des places au tribunal réservées à la presse. Et je crois que c'est à peu près tout, en fait. Enfin, et c'est, voilà, mais c'est pas ça qui reconnaît, qui définit la profession de journaliste. Fiscalement, c'est que plus de la moitié de vos revenus sont issus de la vente de contenu d'information sur le dernier trimestre. Juridiquement, c'est le statut d'auteur, INSEE, auteur, artiste, photographe, etc. Et la carte de presse, c'est un plus. Mais c'est pas la définition du truc de journaliste, non. Et du coup, tu vas faire la demande ou pas maintenant? Alors en fait, ce qu'on va faire, quand j'ai vu que la commission, enfin les syndicats, etc., que tout le monde était derrière, on s'est réunis un peu à plusieurs photographes, même quasiment tous en fait, photographes, journalistes de Paris qui sont habitués des manifs, des mouvements sociaux, etc., qui prennent tous cher, qui ont tous été blessés au moins une fois sur les dernières années, etc. Et on a dit en fait, c'est notre moment en fait. C'est maintenant qu'il faut tous la demander, en fait. Et je vais pas demander ma carte de presse, en fait. On va faire un carton comme ça, et on va tous la demander, là. On est quoi, 50, 60, une centaine, peut-être. Et certains ne répondent pas à tous les critères, mais on va les coopter. Ça veut dire que on va montrer, on va donner des preuves en disant qu'ils sont sur le terrain avec nous. Ils ont OK, ils ont fait qu'une vente ou deux sur le dernier trimestre, ça remplit pas tous les critères, etc. Mais le monde, il a changé aujourd'hui. Donc les critères d'attribution de la carte de presse, ils doivent changer. Ils doivent nous inclure dedans, parce qu'au final, ceux qui prennent les risques sur le terrain pour amener les images qui sont publiées dans les médias, qui sont publiées pour illustrer la crise des Gilets jaunes, c'est nous qui les ramenons. Donc à un moment, la carte de presse, je trouve qu'on la mérite un peu plus que les présentateurs qui commentent nos images, quoi. Alors que eux, ils l'ont. Et donc à un moment, je crois que la commission a compris, je crois que les syndicats de journalistes ont compris, et je crois que j'en suis très heureux, mon affaire, d'une certaine manière, met ça en lumière et va régler ce problème. Et si on arrive à régler ce problème, c'est un grand pas pour les libertés de la presse dans ce pays, parce que ça fait 10 ans qu'on galère avec ça, vraiment. Genre, toutes mes interpellations, toutes mes gardes à vue, comme 21 à Strasbourg, Calais, 2 fois, Paris, 3 fois, à chaque fois, j'aurais eu une carte de presse, je serais jamais allé en garde à vue. Voilà. J'ai eu 9 procès. Le seul que j'ai perdu, c'est l'histoire du Tokiwalki. J'ai juste eu une amende de 500 euros. Voilà, c'est tout. Mon casier judiciaire, il est vierge. J'ai un trait dessus. Comme n'importe quelle personne qui a un casier judiciaire vierge. Cette espèce de délire oppressif, en fait, non seulement ça marche pas avec moi, peut-être que ça marche avec d'autres, mais en plus, c'est totalement contre-productif. Et moi, je trouve ça dingue. L'audience que ça me donne, jamais... Autant de personnes ont parlé de Taranis News, jamais autant de personnes ont donné à Taranis News, jamais autant de personnes ont soutenu ce que je fais, ce que les autres font au sein de l'équipe, et surtout, ce que j'essaie ce que je veux vraiment, c'est que mon exemple serve pour les autres. C'est-à-dire, il y a d'autres photographes, il y a d'autres journalistes on a tous le même âge, on a 20, 30 ans, on en chie, on gagne pas notre vie, etc. Mais on apporte l'information. On est ceux qui sont au plus proche de ce qui se passe et pas derrière aux 500 mm à filmer tranquille sur une terrasse. Non, on est devant et au point qu'on entend ce que la police et les manifestants se disent. Et on risque nos vies, quoi. Il y a plusieurs journalistes sur les 3 dernières années qui ont eu des doigts arrachés, autant que les manifestants, quoi. Et je parle même pas du matériel qui vaut une fortune, le prix d'une bagnole, qui se fait éclater à coups de matraque quasiment une fois par mois, quoi. Une pige photo dans un média papier, c'est 50 à 100 balles. 150 balles maximum si t'arrives à négocier ou que t'es pote avec le directeur photo. Une pige vidéo, ok, ça peut aller de 250 à 750 euros, mais derrière, on a 50% de taxes, comme tout le monde. Donc à un moment, il faut aussi prendre ça en compte, on est indépendant. Donc ok, quand le client te paye, il te donne 500 euros, mais à la fin, quand t'as déduit tout ce qui reste, bon, t'as quand même fait une manif, t'as gagné 150-200 euros. Une caméra, ça coûte 10 fois ça. Donc en fait, il faut 10 actes des gilets jaunes où je fais une vente pour me repayer une caméra détruite. À peu près, quoi. Sans compter les dons. Et c'est pour ça que là, les dons, c'est formidable. Les dons, ça permet la quantité de dons. Oui, parce que depuis ton arrestation, les dons n'ont pas cessé d'augmenter sur ta page Tipeee. 5 000 euros. On était à 10 fois en dessous. C'est incroyable. Enfin, là, les reportages, le financement des reportages sur les 5 à 6 prochains mois sont tous garantis. Enfin, genre, quoi qu'il arrive, même si on sort de France et qu'on part faire des reportages ailleurs, etc., on a été plusieurs de Taranis, même des anciens, à se dire, bon, là, ça, c'est nous était jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Justement, parce que on a toujours rêvé d'avoir ces moyens pour faire des reportages auxquels on n'avait pas accès. On a quand même fait et je tiens à le citer parce qu'il a été arrêté aux Comores là récemment, Louis Vuitter et Cyril ont été arrêtés. C'est des copains journalistes ont été arrêtés aux Comores récemment. Je crois qu'ils sont évacués vers la France pour une histoire assez sombre. Mais Louis Vuitter, on est parti avec la 306 de sa grand-mère qui avait déjà 280 000 bornes de Lorraine jusqu'en Serbie au moment de la crise des Balkans. En 2015 pour faire un reportage sur les réfugiés. On avait 0 commande de aucun média. On est parti aussi avec une copine journaliste et on a fait 6 000 km en voiture avec nos propres moyens. On a cramé toutes nos thunes parce qu'on a fait 0 vente. Mais moi j'ai fait un documentaire, lui a publié ses photos. Et ça reste pour moi le documentaire qui m'a le plus impliqué, etc. Et que je trouve. Le meilleur dans ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu donner de machin, et qui a été le pire à réaliser. Et on a fait ça avec 600 euros, quoi. De budget, genre hôtel, voiture. Bon, c'est vrai que dans l'Europe de l'Est, ça coûte pas cher, mais tout ça pour dire que j'ai 10 fois les moyens de faire ça par mois, là. Alors, ok, on peut éviter de vivre autant à l'arrache que de dormir dans une voiture et peut-être dépenser un peu plus en reportage, et aller à l'hôtel cette fois, au moins une fois tous les 3 jours. Mais juste la possibilité là que nous ont donné les gens avec les dons, elle est colossale. Chance maximum, j'ai pas eu de destruction trop au niveau du matériel au moment de mon arrestation. C'est le pied de la caméra qui a pris, pas la caméra. Donc j'ai vraiment de la chance sur ce coup-là parce que j'ai été traîné par terre plusieurs fois et tout machin. La caméra était dans mon dos avec le Serflex, donc je savais pas dans quel état elle était en fait. J'ai pas osé regarder jusqu'au milieu de la nuit de peur de que ça me foute les boules, quoi. Mais la caméra n'a rien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ces fonds peuvent être utilisés pour faire du documentaire direct et on va se faire plaisir, quoi. Et puis il y a une autre histoire. Qui est très drôle, c'est que pendant ma garde à vue, pour une raison qui reste du secret médical, mais bon, pour être très clair, ils m'ont donné ni à boire ni mes médicaments pendant 36 heures, quoi. J'ai été évacué à l'hôpital Saint-Antoine par les pompiers dimanche soir de ma garde à vue. Et j'ai découvert à cette occasion qu'ils sont en grève depuis un mois et demi. Et que, oui, les urgences. Voilà, les urgences. Et que c'est vraiment vraiment intéressant parce que il n'y a pas de syndicat, que ça vient vraiment de la base et que ils se battent depuis un mois et demi et que j'ai eu le temps de discuter un peu de ce qui se passe. Ça m'a hyper intéressé et j'ai eu envie d'aller faire un sujet. Et je me disais, bah tiens, au final, je suis allé en garde à vue, mais au moins j'ai trouvé un sujet à aller couvrir. Donc je leur ai promis que j'allais revenir dès que tout ça sera passé, quoi. Mais c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine, dès que je peux. Mais voilà, même en garde à vue, je garde encore l'idée de trouver des, voilà, mais les dons nous donnent la possibilité de faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant, et ça c'est vraiment formidable. Et je mesure pas encore la solidarité. J'aimerais pouvoir dire merci à tous les gens un par un, mais ça, il y en a tellement, ça va tellement vite que j'arrive pas, en fait. Mais merci, enfin, à tous, enfin, c'est nous donner les moyens de faire ça. Je vais tout faire pour qu'on soit à la hauteur, quoi. Et j'espère qu'on va l'être, mais au final, merci Laurent Nunez, hein, merci Castaner, merci le préfet de police, merci, mais quelle bande, enfin, mais quelle connerie, quoi. Et il le savait, en plus. Enfin, je lui ai dit 3 ou 4 fois au commissaire, enlevez-moi ces serflex, laissez-moi retourner travailler, mais faites pas ça, quoi. Vous savez, vous me connaissez par mon prénom, donc vous savez qu'est-ce que je fais, enfin. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, genre ça n'a aucun sens. Je vous ai fait un doigt d'honneur, je le reconnais. Je lui ai dit, j'étais prêt à signer une reconnaissance de faute tout de suite, une amende, un PV, un truc, je sais pas quoi, et puis je repars, c'est bon, mais pas besoin de m'emmener au commissariat, de me mettre 48 heures pour un doigt d'honneur, quoi. Je veux dire, voilà. Tu as dû voir sur les réseaux sociaux que pas mal de journalistes ont pris ta défense. Tu as même eu l'immense honneur d'avoir le soutien de Jean-Michel Apathy. J'ai adoré. J'ai regardé la vidéo 4-5 fois, je crois. Et il est sincère, en plus. Hein. Ça, on le sent, il est sincère. Il lève le poing, quoi. Genre, Jean-Michel Apathy qui lève le poing en me soutenant, ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je l'ai remercié. J'étais sur Europe 1 hier soir. Je l'ai remercié. C'est pas quelqu'un que je soutenais particulièrement, voilà, j'ai même clashé avec lui sur Twitter en lui demandant la dernière fois qu'il avait été sur le terrain il y a quelques semaines pour le provoquer parce que il y avait un débat sur le fait que j'étais journaliste ou pas. Je crois qu'il avait dit que j'étais pas journaliste ou un truc comme ça, et je lui avais répondu, et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait du terrain, en fait? Et du coup, voilà. Mais là, c'est, en fait, il s'est passé avec Jean-Michel Apathy ce qui s'est passé avec tous les photographes et JRI de Paris, c'est-à-dire que, en fait, tous les journalistes se sont rendus compte qu'on est tous dans le même panier, là. Qu'en fait, ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe quel autre journaliste. À partir du moment où tu décides de montrer ce qui ne veut pas être vu, c'est ce qui va t'arriver, en fait. Et donc, si à un moment on laisse passer ça, tous journalistes, ça va nous arriver à tous, en fait. Donc, à un moment là, tout le monde se sent concerné, même Jean-Michel Apathy, quoi. Et justement, c'est formidable. Et je le remercie vraiment, sincèrement. C'est-à-dire que parce qu'il a, il a réussi à avoir l'intelligence de se dire, OK, là, ça a changé. C'est plus comme avant. C'est plus l'espèce de division qu'il y avait entre les jeunes journalistes militants, là, les espèces de racailles de manifs et la presse mainstream, machin. Non. En fait, on est tous dans le même panier. On fait tous la même profession, et le soutien des sociétés de journalistes, enfin, c'est, ouais, j'ai vraiment versé une larme hier soir, je te le dis sincèrement. Et c'était pas parce que j'étais fatigué ou des, non, sincèrement, c'était vraiment émotionnel, quoi. Genre, j'ai été soutenu par la société des journalistes de BFM Télé, quoi. Enfin, enfin, tous, enfin, c'est formidable. Merci à eux, quoi. Enfin, merci à vous. Vous êtes dans la liste, hein. Ouais. C'est un moment. Si de mon cas, on peut régler le problème de cette sorte de carte de presse pour les jeunes journalistes et photographes qui prennent tous les risques en manifestation, si de mon cas, on peut arrêter de parisianiser la profession et que tout le monde s'entende un peu mieux, parce qu'on défend au final tous les mêmes droits, même si on n'est pas d'accord éditorialement, etc. Au final, on veut quand même tous pouvoir faire notre travail librement, dans un pays libre, etc., sans être entravé par la police, sans être entravé par la justice, sans être entravé par le pouvoir exécutif. Et ça, à partir du moment où tout le monde est derrière et tout le monde est d'accord, c'est formidable. Si c'est moi qui ai servi d'étincelle à ça, j'en suis vraiment heureux, quoi. Et j'ai pas là du tout l'impression d'avoir la maîtrise de ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression que on se sert de moi comme d'une espèce d'arme contre ce qui est en train de se passer, quoi. Et mais j'en suis ravi. Allez-y. Enfin, genre, si mon cas peut servir d'exemple pour régler, il y a eu d'autres photographes encore récemment, l'année dernière avec le lycée Arago, un photographe de la Meute avait fait, je crois, 70 heures. Donc il avait fait toute sa garde à vue 48 heures et il avait passé 2 jours au dépôt avant d'être reçu par le juge. C'est ce qui me serait arrivé. On était le week-end de Pâques, hein, quand j'ai été arrêté. Si j'avais pas eu ma notoriété, j'aurais été comme lui au dépôt pendant 2 jours, le temps que le juge se pointe, etc. Et donc, à un moment, qu'un photographe qui est juste là pour documenter une occupation de lycée se retrouve 4 jours en détention, c'est du délire. Et à un moment, on n'en avait pas parlé parce qu'il n'était pas connu. Si à un moment, je peux me servir de ma notoriété comme un bouclier pour moi, c'est bien. Si je peux m'en servir comme un bouclier pour les autres aussi, c'est encore mieux. Et franchement, on en a vraiment besoin, quoi. On en a marre de se faire arracher la gueule, on en a marre de se faire mal payer, on se fait payer en 90 à 120 jours. Je suis en train de récupérer des factures du mois de décembre, là. Et encore, je suis obligé de les tanner, quoi. C'est un autre sujet, mais à un moment, nos conditions de vie, quand on voit ce qu'on nous demande pour avoir un loyer, j'ai 30 balais, quoi. J'en ai pas 20, quoi. Ok. Pourtant, ma situation économique, elle est la même. Parce que j'ai consacré un peu de thunes à acheter du matériel de professionnel, mais j'aurais pu le faire autre chose. J'aurais pu m'acheter une voiture, ça serait venu au même. Hein. Mais en gros, aujourd'hui, entre une vie à 20 ans et une vie à 30 ans, il y a peu de différence en fait en termes économiques. On gagne la même chose. On a toujours aussi peu de possibilités de louer des logements avec des garants si on n'a pas la famille derrière ou des trucs comme ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille derrière. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille qui a les moyens d'avoir habité à Paris. C'est juste impensable. Enfin, c'est pour les journalistes, c'est pas facile. Si on arrive à tirer de cette histoire quelque chose de positif et quelque chose qui change la donne, alors feu à volonté, quoi. Si c'est le moment de tirer, mais il faut y aller. Parce qu'à un moment, on en a vraiment chié, là. On en arrive à un point, on en a vraiment marre aussi, quoi. On a eu cette discussion à la fin de ma garde à vue avec justement les gars qui étaient venus. Et vraiment, c'était mon anniversaire, ils sont venus, c'était mon anniversaire. Oui, tu fêtais 32 ans. C'était incroyable comme moment. Enfin, je sors de ce truc, j'ai dit. Des amis et d'autres gens que je connais pas, enfin bref, on s'est retrouvé à quelques-uns et on se disait ouais, il y a un avant et un après. Ça veut dire que il y a des gens qui sont venus me soutenir, qui sont des gens avec qui je suis embrouillé depuis plusieurs années, pour des raisons diverses, des fois connes, des fois professionnelles, des fois personnelles, etc. Mais il y a eu une espèce d'union, et c'est quand on m'a dit ils ont passé la journée devant le commissariat à t'attendre, etc. Mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Genre, mais surtout pas d'eux, quoi. Et du coup, même ils ont réussi un truc. Ils ont réussi à unir des Parisiens qui se détestent. Je ne sais pas si tu vois à peu près comment les Parisiens sont en général. Moi, je ne suis pas de Paris, donc je peux me permettre de les critiquer. Mais ils sont censés, voilà. Et en gros, réussir à unifier une profession aussi casse-couille, c'est comme les pubards, les photographes ou les journalistes, ou les communicants. Tu vois, c'est des professions qui sont humaines. C'est un peu humainement difficile de travailler, quoi. Et vous en savez quelque chose aux médias, ouais, n'est-ce pas, ouais. Et donc, du coup, ils ont réussi à unir une profession qui était divisée derrière une cause commune, quoi. Et bon, après, on demande juste l'application de la loi. Au final, on demande même pas, on revendique même pas un nouveau droit, là. On demande juste l'application d'une loi qui existe déjà. C'est ça qui est quand même dingue dans cette histoire. C'est que la carte de presse pour ces gens-là, on demande juste à ce que le système soit adapté au monde réel d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci Gaspard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Julie Garnier, je suis candidate aux élections européennes pour la France insoumise. Alors bonjour Julie, est-ce que tu peux commencer par présenter ? Alors donc je m'appelle Julie Garnier, donc je suis candidate aux élections européennes pour la France insoumise. Mon passé, j'étais aussi avant candidate pour les législatives sur la 4e circonscription de Seine-et-Marne 77 face à Christian Jacob. Voilà, donc ça c'est mon petit passé politique et un autre passé syndical plus lointain. Ouais, tu veux nous en dire peut-être un peu plus dessus ? Oui, surtout que c'est pas dans une ville anodine. Hein. J'ai été syndiquée étudiante à l'UNEF, à Évry, parce que j'ai grandi là-bas. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, dans un collège ZEP, puis un lycée. Et puis j'ai continué à Évry, des études d'histoire. Et c'est là, en fait, où je suis devenue citoyenne, en fait. Où j'ai rencontré donc, d'autres personnes qui m'ont éveillé ma conscience aux autres. Et puis voilà, donc je suis rentrée dans le syndicat, puis j'ai milité et je suis devenue une autre personne. D'accord. Voilà. Et comment t'es passée du militant, enfin du syndicalisme étudiant plutôt, pas la politique, par un engagement ? Ça a commencé en fait en 2005. En 2005, il y a eu un moment assez fort politiquement, puisque c'était le référendum sur la Constitution européenne. À ce moment-là, il y avait une vraie prise de conscience sur qu'est-ce que l'Europe, etc. Et puis, on avait des discours qui disaient que, de toute façon, si vous votez non à ce référendum, vous êtes contre l'Europe. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'insupportable parce que, on fait partie d'une génération où on est né européen. Donc, en fait, la question de l'Europe, on se pose même pas la question si oui ou non faut une Europe, on est né européen. Donc, c'est évident, l'Europe. Et dire que parce qu'on voulait pas de leur Europe, on était anti-européen, j'ai trouvé ça profondément injuste. Et donc, j'ai commencé à militer politiquement. En 2005, à ce moment-là, et puis il y avait aussi un formidable élan puisque on avait Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot et Marie-George Buffet qui ensemble justement portaient ce nom, mais un nom social, un nom européen, un nom humain, et ça a été ma vraie première expérience politique. D'accord. Et du coup après tu t'es présenté aux législatives, comme t'as dit. Mmh. Et pourquoi après donc te représenter là, enfin proposer ta candidature pour la liste France Insoumise pour les élections européennes ? Déjà je m'attendais même pas non plus à être aux législatives. Hein. Je vais être honnête. J'ai monté un groupe d'appui donc dans ma ville et pour les présidentielles parce que voilà 2012. Avait représenté déjà quelque chose, avait signifié quelque chose, et 2017 devait derrière donner un élan, enfin vraiment quelque chose. L'avenir en commun, c'est vraiment un programme qui est construit, qui est complet. Et je voulais vraiment le porter avec l'aide de toutes les bonnes volontés autour de moi. Et on a monté donc ce groupe d'appui et on m'a proposé de me présenter ensuite aux législatives, chose que j'ai acceptée de manière très humble parce que voilà, j'avais jamais fait ça avant, ça a été une découverte et ça a été une vraie richesse parce qu'on a rencontré des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon, on a provoqué des discussions qu'on n'aurait jamais pu provoquer autrement et ça, je revois plein de visages dans les campagnes, dans les villes et ça, c'est voilà, ça explique pas. Il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est construit et refaire ça pour l'Europe, pareil, j'ai proposé ma candidature de manière... on ne sait jamais. Et puis, surprise. Et comment, toi, tu imaginerais un groupe, enfin une équipe France Insoumise, par exemple, au Parlement européen ? Comment, toi, tu le verrais ? Comment je le verrais ? Je le verrais déjà ouvert. C'est-à-dire que l'avantage de cette liste, c'est qu'elle n'est pas recentrée sur elle-même. Elle est ouverte sur l'Europe. Parce qu'on a des alliances avec des amis espagnols, des amis italiens, danois. Enfin, tout ça, ça va au-delà, en fait, de notre groupe. Et déjà, pouvoir partager toutes ces richesses-là, c'est ça que je trouve extraordinaire, en fait. D'accord. C'est un groupe ouvert. D'accord, ok. Ce qu'on nous reproche, bien justement. Oui, et non, justement, c'est tout l'inverse. D'accord, c'est plus partager les idées communes avec d'autres partenaires européens. Justement. Créer une Europe, justement... tel qu'on la voudrait, pas tel que nous l'impose, tel que nous on la voudrait, tel que la politique devrait être en fait. D'accord, ok. Et tu parlais tout à l'heure de ton quotidien, c'est quoi ton travail par exemple ? Je travaille dans l'enseignement supérieur, au CNAM, Le CNAM, c'est quoi? Oui, je peux préciser. C'est Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est en fait, c'est l'université, comme j'ai dit, un peu pour les grands. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas pu mener des études juste en sortant du bac, mais qui se disent, voilà, moi j'ai envie d'avoir un diplôme parce que ça va pouvoir me permettre d'avoir plus de responsabilités, ou alors ça va pouvoir me permettre de me réorienter, de faire un boulot que j'aime. Ou ben voilà. Vous allez dans ce genre d'établissement et j'en croise tous les jours des personnes qui ont envie de s'armer justement face à la vie, face à la dureté de la vie aussi. Et tous les jours, je prends des leçons en fait. Ce sont ces personnes-là qui me donnent des leçons. Et si tu es au Parlement européen, quels seraient les combats qui te tiennent toi particulièrement à cœur, que tu souhaites mener, porter tout particulièrement? Tout particulièrement, alors ça va être issu forcément un peu de mon expérience en Seine-et-Marne, mais je pense que c'est le cas des campagnes en fait en France. On est très vite confronté à l'agriculture intensive, aux déchets. La Seine-et-Marne, c'est le déchet de la région Île-de-France. Donc on a énormément en fait de sites d'enfouissement et on les voit se construire. C'est des jolies collines, mais en fait c'est des collines remplies d'horreur dont on est incapable de tracer ce qui est nocif à court terme comme à long terme. Et donc ça, oui, le combat écologique. Il y a une grande partie des déchets d'Île-de-France, je crois, qui sont expédiés dans son département. On ne sait pas quoi en faire. On n'a aucune politique, de toute façon, des déchets en France, en manière générale. Et c'est vrai que l'écologie, on voit que ça devient de plus en plus une urgence parce qu'on va dans le mur, tout simplement. Et puis les pesticides, on a une terre qui est complètement ravagée. Et plus on l'inonde, en fait, de pesticides, plus elle devient ravagée. Donc on est dans un cercle complètement vicieux. Et tout ça, il faut que ça s'arrête, parce qu'on voit bien que la nature autour de nous, elle est en train de changer. Alors nous, on est plus ou moins épargnés, parce que voilà, on ne le voit pas de manière brutale, comme des pays du tiers-monde qui ne sont pas du tout armés face à ce changement climatique. Mais ça va nous arriver, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même terre, et on ne peut pas faire autrement que ça. Donc on a un défi, notre grand défi, c'est celui-là. La seule dette qui compte, c'est pas la dette des banques, c'est la dette écologique, c'est celle qu'on doit à la terre, c'est tout. Donc ça, c'est vrai que ça serait le premier combat. Ok, donc écologie, ruralité... Exactement. Le lien aussi entre les campagnes et les villes. On a trop souvent affaire à une dichotomie entre ce que devrait être la ville, là où se renforcent en fait toutes les forces qui sont mises, donc les services publics, etc. Et puis on a des campagnes qui à côté sont abandonnées. Je le vois en Seine-et-Marne. Plus on va vers l'Est, c'est-à-dire que plus on s'éloigne en fait des grandes villes, plus on voit qu'il y a un vote Front National, qu'il y a un vote contestataire, mais qui en fait est animé par des mauvaises raisons, parce qu'ils sont abandonnés, ces personnes-là. Et donc, il faut justement refaire du lien entre ces campagnes, ces villes, et ne surtout pas abandonner tous ces territoires. Ok, très bien. Bah, écoute, je pense que tu as pas mal de boulot, tu as une belle campagne qui s'annonce devant toi, donc je te souhaite bon courage. Merci. Puis bonne chance. Bonne chance à nous. Thank you. Charline Vanhoenacker, le canard enchaîné a observé que la liste européenne du Rassemblement National met, je cite, les casseroles en batterie. Allez, on commence par la tête de liste, Jordan Bardella, soupçonné par l'Office européen antifraude d'usage irrégulier de l'indemnité d'assistant parlementaire. Bardella, si jeune et pourtant déjà si prometteur. Dominique Bild, quatrième de la liste, est soupçonné d'emploi fictif au Parlement européen. Oh, si ça se trouve, c'est un soupçon fictif, hein, ça on ne sait pas. Castaner est soupçonné d'être en charge de la sécurité des Français, alors. À la septième place, Nicolas Bay est mis en examen pour détournement de fonds publics. Oh, c'est des choses qui arrivent. Catherine Griset, numéro 10, mise en examen pour abus de biens sociaux et recel. Bon, alors moi, une fois, la caissière du Monoprix m'a rendu 20 centimes de trop, je les ai pas rendus non plus. Vous voyez, les Français ne connaissent peut-être pas tous les candidats RN, mais le monde judiciaire, oui, et ça fait déjà un petit socle électoral. Numéro 14, Aurélia Beigneux aurait perçu indûment le RSA, qui à ce jour n'a pas été remboursé. Salaud de Français qui pique l'argent des Français. Et c'est l'adjointe aux affaires sociales de la ville de Hénin-Beaumont. Au bowling, ça s'appelle un strike. Hein. Et en politique, ça s'appelle une candidate RN aux européennes. C'est dommage alors que le FN venait de changer de nom pour faire oublier les affaires. Et le canard enchaîné, parce que c'est eux hein, qui continuent de chercher des poux, évidemment. À la 22e place, Mathilde Androuet avait mené seule une enquête au sein du FN sur de prétendues histoires d'attouchement sur mineurs par certains cadres. Comment ça? Le FN aurait touché autre chose que de l'argent. Bon, alors vous voyez, c'est très diversifié. Il y a une sorte de métissage des délits. D'ailleurs, comment ça s'appelle quand on met un peu de tout là? Un pot pourri, voilà, c'est ça. Un dernier? Alors, il y en a d'autres, hein, mais moi j'ai que 2 minutes de chronique. Alors bon, Éric Minardi déclaré inéligible après les législatives de 2012 car il n'avait pas présenté ses comptes de campagne. Et devinez où on le retrouve ? 25e place sur la liste. Marine Le Pen, c'est plus qu'une présidente de parti, c'est une conseillère en réinsertion. Je termine par une pensée pour les quelques candidats RN qui ne sont pas soupçonnés de fraude. Je leur dis les gars, ne perdez pas espoir. Les élections sont dans 3 semaines. Ça vous laisse du temps pour détourner des subventions ou embaucher votre belle-mère dans votre permanence parlementaire. Soyez créatifs. Hein. Puis cette liste, c'est une note d'espoir pour tous les apprentis délinquants de France. Ne désespérez pas, une liste Rassemblement National peut sans doute vous accueillir. Merci Charline Vanhoenacker. Bonjour à vous, Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment recevez-vous, on en parlait dans le journal, les annonces faites hier soir par le Premier ministre, en particulier la possibilité d'identifier les casseurs, de créer un fichier et les empêcher, en amont, s'il le faut, de venir dans les manifestations? Je crois que comme beaucoup de Français, j'ai été un peu effaré, figurez-vous, parce que on nous annonçait depuis plusieurs jours, hein, dès dimanche, des grandes annonces du Premier ministre. Il n'a pas sur la sécurité. Oui, oui. Enfin, non, ça c'est venu hier. Il n'a pas parlé depuis le 6 décembre. Et on voit le Premier ministre arriver et nous faire un discours uniquement sur la question de la sécurité. Pas une réponse sur les revendications politiques des Gilets jaunes. Alors manifestement, il a payé son écho à la politique de blocage décidée par Emmanuel Macron au passage en force. Mais moi, je vais vous dire une chose. Le peuple français, ce n'est pas un peuple à qui on peut faire ingurgiter toujours plus d'injustice sociale à coups de bâton. Ceux qui ont tenté ça dans l'histoire, ça s'est toujours mal terminé pour eux. Ça, c'est la première réflexion que je fais. Et il y a, de la part du gouvernement, une escalade verbale, une escalade en termes de calomnie du mouvement, une escalade en termes d'utilisation répressive des forces de police, qui me fait dire une chose, c'est que ce n'est pas avec un discours de guerre civile qu'on va régler les problématiques déposées par les Français qui veulent une vie plus tranquille et plus juste. Voilà la réalité. Alors, les réponses sur le fond, les réponses sociales, elles ont été apportées notamment par le président de la République le 10 décembre. Il y aura bientôt le grand débat national qui va s'ouvrir, on va en parler. En revanche, là, il était question de la sécurité. Vous êtes les premiers à dire que les casseurs salissent l'image du mouvement, qu'ils jettent l'opprobre sur l'ensemble des manifestants. Je vous demande donc, je vous redemande donc ce que vous pensez des mesures. Non, mais simplement, répondez-nous là-dessus. Que pensez-vous des mesures annoncées hier par le Premier ministre. Juste aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où il n'y a pas de répression, on est d'accord. On nous dit toujours plus de matériel. Je vous prends ce qu'a dit le Premier ministre. On a vu des blindés dans les rues de Paris. Est-ce qu'il faut neutraliser les casseurs, On utilise des grenades de désencerclement et des tirs tendus flashball, par exemple. Je ne parle même pas des lacrymogènes qui sont utilisés de manière maintenant quotidienne. Il y a toujours des violences. Qui, ailleurs en Europe, sont considérées comme des armes qui ne doivent pas être utilisées par rapport à des manifestations. Dans d'autres manifestations, il y a parfois des morts. Il dit plus d'hommes. Il n'y en a pas en France. Il dit morts. 10 morts chez les Gilets jaunes. J'aimerais bien qu'on en parle pas sur un petit les peu manifestations réprimées par la police. Le Premier ministre n'a pas eu un mot par rapport aux 10 morts, dont une dame qui a été tuée, je vous rappelle, au jet d'une grenade lacrymogène dans son appartement à Marseille, et d'autres qui ont été tués par des chauffards qui voulaient forcer des barrages pour la plupart. Pas un mot là-dessus. D'accord? Donc, vous me parlez de la violence. Vous savez, la violence, c'est pas la solution. D'abord parce que les premières victimes, je vous rappelle, je regrette évidemment les blessés chez les policiers. Enfin, il faudrait quand même dire que les premières victimes, c'est 1400 blessés, dont des centaines des gens qui ont perdu leurs yeux du côté des Gilets jaunes. Donc par rapport à ça, il y a répression aujourd'hui. On a, le Premier ministre l'a dit lui-même, 5600 gardes à vue, dont, c'est historique, 8 sur 10 n'ont rien donné. Ça montre que la plupart ont été faites de manière inconsidérée. Qu'est-ce qu'il veut en plus? On va être mis en garde à vue, pourquoi? Donc on voit bien que cette fuite en avant, l'idée de dire on va mettre toujours plus de policiers. Moi je ne crois pas que c'est la solution. Il est question de neutraliser en amont les casseurs. Je vais venir sur le fichier. Répondez-moi sur le fichier, si vous voulez bien. Je prends ce qu'a dit hier le Premier ministre. Plus de matériel, je viens de vous répondre. Il y en a déjà beaucoup. Plus d'hommes, quasiment, à certains moments, un policier pour deux manifestants. Donc si on pense que c'est mettre des policiers toujours plus fatigués et harassés face à des gens toujours plus en colère, je pense que les policiers, ça peut pas être, j'allais dire, la variable d'ajustement de la politique du gouvernement. Et puis, enfin, des mesures. Alors, parlons des mesures. Vous savez qu'en France, sur les 10 dernières années, il y a eu quasiment à peu près 10 lois de sécurité intérieure. Qui a fait le bilan? Je vous réponds, personne. On nous dit on va faire un fichier. Vous savez qu'il y a un fichier qui existe, déjà de prévention. 45 000 personnes, d'accord? Alors, est-ce que un fichier des casseurs à la manière de ce qui se fait pour les hooligans et qui a permis de réduire la violence dans les stades? Je vais revenir sur le mot casseur. Donc, le Premier ministre a parlé de casseurs. Et comment il a défini ça? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux gens qui rentrent en fichier? Les gens qui viennent, par exemple, cagouler, les manifestations qui ne sont pas déclarées. Les gens qui viendraient dans une manifestation dite illégale. Qu'est-ce qu'une manifestation dite illégale? Non déclarée. C'est, par exemple, ce que font les Gilets jaunes sur les ronds-points. J'entendais tout à l'heure votre reportage, juste avant. Mais si, c'est ça les questions précises. Vous savez très bien qu'il y a des manifestations non déclarées. On a vu sur un pont de Paris. Je ne dis pas très bien. Un policier boxé par un manifestant ce week-end. Que dites-vous par rapport à ça? Est-ce que vous ne comprenez pas la colère des policiers, M. Coquerel? Il se retrouve pas dans le Tchad à négocier avec le président tchadien. Lui va être poursuivi. Je vous dis simplement une chose. C'est que j'entends ce qu'a dit le Premier ministre très clairement. Moi, les mots de l'importance. Il a parlé de participation à des manifestations illégales. Manifestations illégales, c'est soit non déclarées, soit qui ont été refusées par la police. D'accord? On voit bien qu'on touche là, possiblement, ce qui est un droit constitutionnel, celui de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, d'une liberté de manifester. Donc il ne faut rien faire, M. Coquerel. Il faut laisser les casseurs venir polluer, vos manifestations. Faut faire. Quand on a un mouvement de cette ampleur, un mouvement d'ampleur historique, on répond politiquement. On ne fait pas, soi-disant, un grand débat où on dit à l'avance qu'on ne défera rien de ce qui a été fait depuis le début. Ça, c'est les propos de M. Je n'ai pas entendu la même chose que vous. Le Premier ministre a dit hier qu'il tiendrait compte de ce qui a de ce qui sortira du grand débat national. J'ai entendu M. Griveaux le matin, porte-parole du gouvernement, nous expliquer qu'il s'agira de ne pas défaire là, ce qui a été fait. Bon, on verra bien, mais pour l'instant, ils ont dit qu'ils garderaient le cap. Pourquoi vous faites un procès d'intention à ce grand débat national qui va permettre à chacun d'exprimer des doléances? Je ne fais pas de procès d'intention, j'écoute le Premier ministre quand il vient dans l'Assemblée nationale. Écoutez, j'entends les mots. Il nous a répété avant les vacances, nous ne changerons pas de cap. Donc nous ne changerons pas la politique. Certain que ce grand débat national ne servira à rien. C'est eux qui le disent. C'est eux qui disent, on discutera tout sauf de politique. Bon, on a un peuple qui fait un mouvement très politique dans le sens pur du terme, qui conteste la politique d'injustice fiscale du gouvernement, la politique de cadeaux aux privilèges, le problème de la démocratie posée par une Ve République où on voit bien que tous les pouvoirs sont concentrés dans un homme, qui il y a pas longtemps, je vous rappelle, a dit aux Français, venez me chercher. Hein, ça, bon, il faudra peut-être pas s'étonner qu'à un moment donné, les gens le prennent littéralement. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut peut-être sortir du blocage d'une façon ou d'une autre, et qu'après tout, le grand débat national est une option qui est sur la table aujourd'hui? Pourquoi la refusez-vous de façon aussi catégorique, Monsieur Coquerel? Parce que si on m'organise un grand débat national, si on propose aux Français un grand débat national, dont on dit dès le départ qu'il s'agira de ne pas remettre en question la politique du gouvernement. Non, ce n'est pas ce qui a été dit, M. Coquerel. Pardon de vous contredire, mais le Premier ministre a dit l'inverse hier. Non, monsieur, le Premier ministre n'a pas dit l'inverse hier. Il a dit « nous tiendrons compte de ce qui sortira ». Mais à l'entrée, ça a été dit et redit, y compris après le Conseil des ministres de la semaine dernière. Vous savez, j'entends les mots aussi officiels. Eh bien, nous verrons bien. Et moi, je vais vous dire, dans ce cas, si on veut tenir compte de ce que veulent les Français, faisons une constituante. Prenons vraiment au mot... C'est-à-dire c'est-à-dire faisons une constituante pour une Ve République. Nous pensons qu'il faut changer réellement les règles du jeu. Des nouvelles élections, par exemple, que le gouvernement soit renversé. Quel est votre souhait aujourd'hui à la France Insoumise? Il y a deux solutions pour le gouvernement face à ce qui est en train de se passer. Soit, enfin, il prend en considération, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un grand débat national, ça revient partout. Le rétablissement de l'ISF, plus de justice fiscale, le fait d'avoir une politique... Sans demander à la majorité des Français. Par exemple, l'augmentation du SMIC, il y a plein de solutions sociales. Sans organiser un débat avant, on le fait directement parce que des gilets jaunes le demandent. Il pourrait y avoir sans organiser un débat, le fait aussi, par exemple, de contester, c'est de plus en plus l'espèce de monarchie présidentielle dans laquelle nous sommes. Soit le gouvernement dit, voilà, tout ça est sur la table, effectivement, c'est de ça dont nous discutons. C'est pas ce qui est dit. Je vous disais, c'est pas ce qui est dit. La fiscalité, soit à un moment donné, je vous le dis très clairement, je pense que la solution politique, ça sera les dissolutions. Parce qu'ils ne pourront pas tenir très longtemps face à une majorité qui conteste la politique. Donc il faudra vérifier qui est légitime. Le chef de l'État me dit, c'est moi, parce que j'ai été élu il y a un an et demi. Ce n'est pas faux. Le peuple français, manifestement, explique aujourd'hui, estime par sa mobilisation et par son soutien, qu'il refuse cette politique. Ben, à un moment donné, c'est les urnes qui devront trancher d'une manière ou d'une autre. Donc vous appelez à nouveau une dissolution. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Laurent, c'est à vous, pardon. Très bonne journée et à très bientôt. Chantait des tas de chansons, d'Yes Irae, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. faut les voir à la téléurne, c'est Vespasien de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils font voter, et puis après, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le passer à l'orateur suivant. Merci, Monsieur le Président. Mélenchon, si vous voulez. Madame, je voudrais vous interroger sur les événements qui sont de nature à perturber l'ordre global de l'humanité. Pour ma part, je suis étonné que vous n'ayez pas évoqué la question du changement climatique comme première source de perturbation des relations entre les nations qui en sont affectées, et en particulier première source des futures vagues d'immigration. Quelle sera votre place, votre rôle dans le débat qui va avoir lieu à Paris à l'occasion du sommet climat? Le deuxième point concerne le facteur de perturbation géant qui est à mes yeux la situation extrêmement volatile du dollar comme monnaie internationale qui perturbe toutes les relations du système international. J'ai noté que cet été s'est produit un très grand événement par l'accord entre le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud qui ont décidé de constituer l'équivalent du FMI et de la Banque mondiale entre eux, et notamment que la Russie et la Chine ont décidé d'échanger entre elles dans leur monnaie nationale, ce qui met à l'ordre du jour une fragilisation du dollar et une exacerbation de la violence des États-Unis d'Amérique. Merci. Monsieur Mélenchon, en effet, j'ai cité les changements climatiques, les climats entre... C'était en effet le premier défi global que j'ai nommé à la fin de mon intervention. Je ne sais pas, peut-être, dès que je l'ai fait en anglais, je m'excuse pour ça, ce n'était pas retenu. Mais j'ai nommé ça, et en effet, je peux vous dire que... j'ai participé il y a quelques semaines aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, à un événement où la Commission européenne était représentée par l'actuel commissaire avec le ministre des Affaires étrangères de ce nombre de pays. Et je pense que le format d'avoir, pour ce qui va concerner mon travail, ma fonction, si vous le décidez, avec le commissaire compétent et même le vice-président compétent dans la Commission, avec les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Environnement et le réseau d'ONG et des organisations de société civile qui sont des sources de, pas seulement d'informations et de formation, mais aussi d'action sur ce thème dans le cadre des Nations Unies va être très utile. J'ai dit avant, sur Paris, l'année prochaine, il faut, je pense, ne pas arriver tard. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire tout le travail qu'on peut déjà à Lima dans le mois de décembre. Si on ne va pas avoir à Lima dans le mois de décembre une partie de travail déjà préparé et fait, ça va être très compliqué pour Paris d'être un succès. Et on ne peut pas, se permettre de faillir dans cette défi. Je pense que c'est une question de sécurité internationale, pas seulement, comme vous l'avez dit, pas seulement une question ambientale. C'est un défi... Bon, excusez-moi. Je crois que, comme vous, ma chère camarade, je sais que les progressistes français et allemands ont une très grande responsabilité historique. Nous ne sommes pas ici seulement en train de confronter des scénarios académiques. Nous sommes dans un moment de grand danger. Et ma présence aux côtés de mes camarades de Die Linke, veut manifester le sentiment de danger. L'Union européenne est entrée dans un processus de dislocation. Et dans cette dislocation, le pire est en train de jaillir. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Voilà ce à quoi il faut répondre. Nous sommes profondément attachés à l'idéal européen de paix et de concorde. Or, cette Europe a été méthodiquement organisée par la droite allemande comme une machine à faire que les peuples se choquent entre eux, deviennent concurrents les uns avec les autres. Et c'est cette logique folle qu'il faut interrompre. Nous avons une responsabilité, vous en avez une ici en Allemagne. Il est clair que le gouvernement de Mme Merkel veut faire croire à l'Europe entière que vous vivez ici dans un paradis. En France, on nous dit que s'il faut imiter le modèle allemand. Eh bien, moi, je suis prêt à imiter le modèle allemand. Mais moi, mon modèle, c'est Oscar Lafontaine, ce n'est pas Mme Merkel. Et nous n'avons pas envie de généraliser à notre pays ce que nous voyons ici. Je vais vous dire maintenant en un mot. Nous sommes prêts, nous les progressistes, à changer profondément l'organisation de l'Europe. Nous tendons la main chaque jour pour que cette transformation puisse se faire. Mais si elle ne peut pas se faire, nous préférerons la souveraineté de notre peuple et le refus de la destruction de notre industrie et de notre patrie à cette forme de cauchemar qu'est l'Union européenne de Mme Merkel. Je veux que tout le monde l'entende bien clairement. L'Europe est une grande idée, elle mérite mieux que d'être dénaturée comme elle l'est aujourd'hui par Mme Merkel et M. Schäuble et toutes les brutalités qui ont été infligées à l'Irlande, à Chypre, à la Grèce. Je préfère prévenir d'avance que nous n'allons pas nous laisser faire. Et c'est pourquoi nous nous rapprochons avec autant d'énergie de nos camarades et de nos frères et sœurs progressistes, parce que nous savons très bien que la responsabilité du gouvernement de Mme Merkel n'est pas la responsabilité du peuple allemand. Nous le savons. Alors nous avons beaucoup de travail, vous voyez, à accomplir. Voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate. Le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Notre photo du jour nous montre Donald Trump et Andrzej Duda, le président polonais, affichant une belle amitié. La Pologne, qui représente aujourd'hui la plus grande force d'Europe centrale, ne cesse de confirmer son inclination pro-américaine et même une vraie sympathie pour le président à la mèche blonde. Le président Duda a même proposé d'installer et de financer en Pologne une base militaire américaine permanente qu'il envisageait de baptiser du nom de Donald Trump. Un tropisme américain qui déplaît bien sûr beaucoup aux Européens, notamment quand la Pologne va acheter ses armements auprès des États-Unis, ce qui met à mal l'éventuel et futur schéma de défense européenne. Pologne et États-Unis qui partagent d'autres atomes crochus, le rejet de l'impératif écologique, le refus de toute discussion avec l'Iran, la mise à mal du multilatéralisme et bien sûr la méfiance vis-à-vis de la Russie. Quelle est donc aujourd'hui en Europe la place de la Pologne, ce pays dont la position géographique centrale a déclenché tout au long de son histoire de multiples invasions, mais qui jouit aujourd'hui d'un rôle stratégique? Pour le savoir, sortons les cartes. La Pologne, on l'a dit, se situe au centre de l'Europe. C'est un pays de plus de 313 000 km² avec une population de 38 millions d'habitants. Elle a pour voisins l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et la Russie par l'enclave de Kaliningrad. Le nord du pays s'ouvre sur la mer Baltique. La Pologne est essentiellement traversée par la grande plaine d'Europe du Nord. Le pays ne possède de frontières naturelles au sud qu'avec les massifs des Sudètes et des Carpates. Sa position au cœur de l'Europe et sa géographie en font une terre particulièrement exposée aux invasions. Si bien que le pays a disparu à deux reprises de la carte européenne, on va le voir maintenant. Première disparition, à la fin du XVIIIe siècle. Les grands empires voisins, russes, prussiens et autrichiens, dépècent le pays en trois partages successifs, jusqu'à la disparition totale de la Pologne en 1795. Il faudra attendre la chute de ces grands empires en 1918 pour que la Pologne retrouve sa souveraineté. En 1921, dans cette nouvelle république, on compte près de 70% de Polonais, mais les minorités nationales et ethniques sont nombreuses. 15% d'Ukrainiens, 8% de Juifs, qui sont à l'époque comptabilisés comme une minorité nationale, 4% de Biélorusses, 3% d'Allemands, plus d'autres minorités comme les Lituaniens, les Russes et les Tchèques. Deuxième disparition de la Pologne en septembre 1939. Après l'invasion du pays par l'Allemagne, la Pologne est partagée entre les nazis et les soviétiques et disparaît donc une nouvelle fois de la carte européenne. Les deux occupants exercent une répression sanguinaire sur les Polonais. En zone allemande, les nazis regroupent les populations juives dans des ghettos. Après l'invasion allemande de l'URSS en 1941, c'est dans ces ghettos et dans les camps d'extermination construits sur le sol polonais que 3 millions de juifs polonais ont été assassinés, soit 90% de la plus grande communauté juive au monde. En 1945, suite à la conférence de Yalta, les nouvelles frontières de la Pologne glissent vers l'ouest par rapport à celles de 1939 que vous voyez là en pointillé, annexant une partie du territoire allemand le long de la ligne Oder-Neisse. Tandis qu'à l'est, l'URSS conserve une partie des zones de la Pologne qu'elle a occupées en 1939. La Pologne perd ainsi plus de 75 000 km². Ces nouvelles frontières ont eu pour conséquence de vastes mouvements de population. Le pays intègre alors le bloc soviétique pour 4 décennies. En 1980, 2 ans après l'élection du premier pape polonais Jean-Paul II, la ferveur catholique dans le pays est l'un des facteurs de la création du syndicat ouvrier Solidarnosc de Lech Walesa. Il démarre alors un long bras de fer avec le régime communiste du général Jaruzelski, jusqu'à la chute de ce dernier en 1989. La Troisième République polonaise naît tout début 1990 et se tourne de nouveau vers l'Ouest. Pour la première fois de son histoire, les menaces à ses portes ont disparu. Mais la Pologne se méfie toujours de son voisin russe. En 1999, le pays intègre donc l'OTAN. Les gouvernements successifs polonais s'alignent sur la politique étrangère des États-Unis en lui achetant du matériel militaire et en soutenant l'implantation sur ses terres d'une partie du bouclier antimissile américain contre les nouvelles menaces. En 2004, la Pologne fait son entrée dans l'Union européenne suite à un référendum où le « oui » l'emporte à plus de 77%, mais avec seulement 52% de votants. En clair, désormais, l'Union européenne assure à la Pologne son développement et l'OTAN sa sécurité. Le poids d'une telle histoire est essentiel pour comprendre la Pologne d'aujourd'hui, aussi bien en matière économique, sociale et politique. Car regardez, si on superpose à cette carte de la Pologne actuelle celle d'avant 1918, lorsque la Pologne avait disparu, on distingue bien deux Pologne. À l'ouest, la Pologne A, sous autorité allemande, la plus développée, la plus urbanisée et la plus industrialisée, avec une infrastructure routière et ferroviaire importante. À l'est, la Pologne B, celle qui était sous autorité russe, la moins développée, vous le voyez, la plus rurale et la moins éduquée. Ce clivage entre les deux Pologne, on le retrouve au niveau politique. Regardons cette carte des élections présidentielles de 2010. La Pologne A, ainsi que la plupart des grandes villes, ont permis la victoire du parti libéral du PO, tandis que la Pologne B a voté, elle, pour le parti conservateur, le PIS de Jarosław Kaczyński. Regardons maintenant les élections présidentielles de 2015. Avec la victoire du souverainiste Andrzej Duda, le clivage s'efface dans la partie ouest. On assiste à un net recul des libéraux et à une poussée du PIS, une tendance qui s'est encore accentuée lors des législatives quelques mois plus tard. Alors, comment expliquer la poussée de ce parti droit et justice, le PIS, fondé par les frères Kaczyński? D'abord, sans doute, parce qu'ils mettent en valeur, après une histoire si chaotique, une Pologne souveraine et fière de l'être. Ensuite, parce qu'ils prétendent défendre le peuple polonais et un État fort, ancré dans la tradition de l'Europe chrétienne, blanche, convaincue de la supériorité de sa culture. Enfin, le PIS, c'est vrai, a accompagné les transformations économiques du pays par des mesures sociales pour les moins privilégiés, ceux qui ont été appelés pendant 20 ans les perdants de la transition. Alors justement, intéressons-nous maintenant à cette réussite économique de la Pologne. Comment en est-on arrivé là? Plusieurs explications. La première est l'excellente distribution des 11 grandes villes sur le territoire, avec au centre Varsovie, la capitale, qui produit 15% du PIB du pays, les grands ports sur la Baltique, une industrie tournée vers l'Allemagne et vers l'Europe de l'Ouest, un bassin minier important, celui de Katowice, en Silésie, et à l'est, trois villes moins développées, bénéficiant moins des échanges économiques avec le voisin allemand. Complétées par la création de 14 zones économiques spéciales entre 1994 et 2015, pour faciliter les investissements étrangers, permettant la défiscalisation des entreprises en échange de la création d'emplois. La Pologne s'est alors révélée comme l'un des pays d'Europe centrale les plus attractifs pour son coût horaire et pour sa main-d'œuvre qualifiée. Mais l'autre explication de cette réussite économique, ce sont surtout les fonds structurels européens importants que l'Union attribue aux régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Eh bien, la Pologne est la plus grande bénéficiaire de ces fonds. Quand Varsovie rejoint l'Union européenne en 2004, son PIB se situait à 49% de la moyenne européenne. Ce taux atteint 70% aujourd'hui, avec une prévision de 95% en 2030. Ces fonds européens représentent 60% de l'investissement public de la Pologne pour la période 2014-2020,